Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts Outsider. Aujourd'hui, c'est un podcast magnéto jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on va enregistrer une partie de jeu de rôle. À nouveau, on va enregistrer une partie d'Inforenza, donc mon jeu qui permet de jouer des héros, des salauds et des martyrs dans l'enfer forestier de Milvaux. Et donc avec moi, j'ai Scarlett et Alexandre, que je remercie très chaleureusement d'être présents. Éventuellement, Scarlett, si tu veux un peu te présenter. Rapidement, j'ai déjà joué une fois avec toi sur Inflorenza. Tu nous avais fait un scénario qui était inspiré de la méthode du docteur Chestel. On était en mode carte blanche, si je me rappelle bien. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était la forêt du docteur Chestel, donc qui a fait l'objet du premier magnéto, qu'on peut réécouter. Et ben voilà. Quant à toi, Alexandre, je crois que tu n'as jamais joué à Inforenza. Non, je n'ai jamais joué, mais je l'ai lu. J'ai suivi, on va dire, sa petite histoire. Et donc, moi, bah, je suis maître du jeu depuis un peu plus de 25 ans. Et voilà, et je dirige mon forum et mes tables tous les week-ends sur des jeux très, très variés. Voilà. Bon bah aujourd'hui on va rajouter une corde à ton arc hein, du coup. Alors je vais pas rebriefer entièrement le jeu parce que du coup vous deux vous connaissez. Je pars du principe que les auditeurs connaissent parce qu'ils ont déjà écouté le premier podcast. Ceci dit, si vous prenez le train en marche, n'hésitez pas à aller sur le site Outsider. Vous aurez une présentation du jeu, puis je mettrai aussi un lien de toute façon avec le podcast. Hein. Alors, petite particularité par rapport au premier Magneto, c'est qu'on joue dans un autre mode de jeu qui s'appelle le mode carte rouge. Dans le mode carte blanche, les joueurs contrôlent leur personnage et le confident, c'est-à-dire le maître de jeu, Inflorenza, contrôle le décor et les figurants. Dans le mode carte rouge, les choses sont différentes. On va découper la partie par instance. Les instances, c'est les tours de joueurs. Pendant son instance, le joueur contrôle son personnage, bien sûr. Il le contrôle tout le temps, de toute façon, même pendant les instances des autres joueurs. Mais il va aussi contrôler le décor et les figurants. Sachant que ça peut quand même lui être disputé par les autres joueurs. C'est-à-dire que s'il y a un conflit sur la façon dont on va gérer le décor et les figurants, ça sera tranché par les règles. Et puis également. Quand vous êtes dans votre instance, vous pouvez décider de ne pas jouer le décor et les figurants si vous préférez être dans l'immersion. Et donc à ce moment-là, il vous suffit de demander au confident, voire même à un autre joueur, de s'en charger. Est-ce que vous voyez un petit peu le principe? Hein? Pas vraiment, là, j'avoue. Ouais, ce sera peut-être plus simple en cours de jeu. À la mise, on commencera pas par toi. Alexandre, est-ce que tu captes un petit peu plus, toi qui as lu le bouquin? Oui, moi, ça va, Le on va partage des dire, responsabilités, ouais. purement à le lire. Voilà, j'ai compris le principe. Après, il faut que je vois comment, dans les faits, exactement, Ouais, ça tout se à joue. fait, ouais. Ouais, en fait, Scarlett, quand même, pourrait expliquer, histoire que tu sois pas largué dès le départ. On joue par tour, qu'on appelle les instances. Quand par exemple c'est mon instance, donc en grosso modo c'est un petit peu comme si le projecteur était braqué sur mon personnage. Et c'est moi qui raconte justement ce que font les PNJ, les figurants, et ce qu'il y a dans le décor. Mais du coup, les autres joueurs à ce moment-là sont considérés comme des PNJ? Non. Pas tout à fait, non, pas du tout. Ils continuent à être interprétés par leurs joueurs respectifs. Voilà, qui peuvent intervenir et donc provoquer des conflits Ouais, tout à s'il fait, y ouais. a lieu. Mais ça, après, c'est un choix. Chacun choisit de, en fait, d'interpréter sa scène et d'y intégrer d'autres joueurs s'il le souhaite, ou d'autres joueurs peuvent tenter de s'y intégrer avec l'accord, comment dire, du joueur qui est sous les feux de la rampe, si je puis dire. Et donc, on choisit après si on résout un conflit, on va dire, sans l'aider ou avec l'aider. Et ça, toujours, c'est d'un commun accord, si j'ai bien compris, normalement. Ok, d'accord. Ouais. De toute façon, bon, des fois, si, en cas de litige, je vous réexpliquerai au fur et à mesure les petites règles qui gèrent un petit peu le partage des responsabilités. Donc, sinon, un petit mot sur le contexte de la partie. Euh, le, le théâtre qu'on va jouer, les théâtres, c'est l'équivalent des scénarios dans Inforenza. Le théâtre qu'on va jouer s'appelle Au cœur de la bataille. C'est un théâtre très très simple en fait. L'idée, c'est de montrer qu'à Inforenza, on peut construire une partie juste sur la simple vision d'une scène. Donc, en l'occurrence, au cœur de la bataille, ça se passe donc en pleine forêt, dans une bataille en fait qui oppose des chevaliers en armure. Comment c'est une armée hétéroclite, une armée de sacs et de cordes composée d'hommes, de femmes et d'enfants qui se battent dans une forêt hantée, pleine de furies végétales, d'arbres, de ronces, de bourbiers. Et la particularité, alors je pense qu'on verra à quel point on l'applique parce que ça peut créer une vraie complexité dans le jeu. La particularité, c'est que on n'est pas. Donc c'est vrai que ça va commencer en pleine bataille. Tout ce qui se passe dans le présent, ça va être de la bataille. Mais vous avez le droit de faire des flashbacks. C'est-à-dire que pendant votre instance, vous pouvez dire que votre instance se passe dans le passé. Et du coup, ça vous permet de, quand vous voulez, en fait, de vous extraire de la bataille pour jouer une scène qui est dans le passé. Notamment, l'idée, en fait, c'est d'utiliser les scènes du passé pour expliquer pourquoi il y a eu une bataille, quoi. Et là, on verra en cours de partie si on s'y attaque. Mais l'ambition peut être la suivante aussi, c'est de. Comment? C'est qu'on peut faire cohabiter des personnages qui sont dans le passé avec des personnages qui sont dans le présent au milieu de la bataille. Et ils peuvent en fait, tout comme dans la forêt du docteur Chastel, on avait fait participer à des conflits des personnages qui étaient dans le réel et des personnages qui étaient dans le rêve. Là, en fait, on peut faire participer au même conflit des personnages qui sont dans le présent avec des personnages qui sont dans le passé. Ok. C'est vrai que Donc, narrativement, c'est. c'est plutôt intéressant. Voilà, après j'ai jamais testé, hein, donc on le fera pas tout de suite dans les premières instances, on fera des essais, on va voir si ça peut fonctionner. Alors c'est exceptionnel, je vois qu'on a trois spectateurs à cette heure-ci matinale, je les salue bien bas. Alors, avant de commencer, on va se mettre d'accord justement sur qui démarre la première instance. C'est pas forcément la plus simple, parce que bah effectivement on démarre presque d'une page blanche. Et en plus de ça, généralement celui qui joue la première instance, on va dire, il va être un peu le pivot de l'histoire, quoi. Généralement, ça se passe comme ça. Les projecteurs font quand même pas mal braquer sur son personnage, ou en tout cas sur l'histoire de son personnage. Connaissant cela, qui est-ce qui veut commencer? La galanterie voudrait que ce soit Scarlett qui commence, mais je peux essayer d'initier la chose pour déblayer un peu le terrain, si vous voulez. Qu'est-ce que t'en penses, Scarlett? Il Ça faudrait me gêne pas faire de me lancer. en quel la création de perso se fait comme Ouais. sur En fait, OK. tu crées ton personnage au cours de ta première instance, ouais. Voilà. Écoutez, si ça te dérange pas, Elodie, j'aimerais bien tenter d'essayer parce que le seul moyen que je me débrouille mieux les prochaines parties, c'est que justement j'ose un petit peu. Donc, quitte à ce que ce soit un petit peu maladroit au début, si c'est possible que je puisse commencer en premier, j'apprécierais. Ok, pas de Pas de problème. souci. De toute façon, Merci. il y a une règle, surtout en mode carte rouge, c'est que pendant son instance, on peut mettre la patate de détail, tout comme on peut être très laconique, hein. Tu peux juste dire de commencer, je suis au milieu de la bataille et je sais pas ce que je fais là, faire une instance qui dure 3 minutes, hein. T'es pas obligé d'apporter un max de détails, quoi. D'accord. Donc, Ok. du coup, la scène que je vais devoir décrire se passe forcément au milieu d'une bataille? Ouais, au milieu de, alors la bataille. Alors je précise un petit peu, la bataille c'est au milieu d'une forêt. Comme on est à Millevaux, c'est certainement une forêt très étendue, très sauvage. Et l'autre particularité de cette bataille, c'est que en fait dans les corps des deux armées, il y a à la fois des hommes, des femmes et des enfants. Ok. On peut Ok. imaginer que c'est grosso modo vraiment une bataille désespérée. Qui a fait que se sont engagés dans les rangs tous ceux qui pouvaient porter une arme, quoi, quel que soit leur sexe et voire même leur âge, peut-être même aussi des vieillards, quoi. D'accord. L'intérêt aussi, c'est que du coup, tu peux décrire, par exemple, imaginons que tu joues un personnage masculin, tu peux décrire dans le passé une scène qui se passe avec ta femme, et puis que dont on la retrouve dans le présent en train de se battre dans le camp adverse, par exemple. Et au niveau technologie, on est à quelle époque? Alors, c'est du post-apocalyptique, donc la technologie peut survenir à tout moment, mais globalement, là, c'est vraiment guerre de 100 ans, quoi. Médiéval, quoi, en fait. Ouais. Médiéval, guerre de 100 ans, donc avec chevalier en armure, arc, arbalète. Ok, nickel. Bah, c'est nickel. Je sais, c'est bon. Donc, soit tu démarres ton instance cache, soit tu démarres par la création de personnage. C'est-à-dire où on jette un dé qui va donner le thème et donner une base de départ au perso. Non, je préfère commencer cash parce que j'ai une idée très précise de mon personnage et je pense qu'il va s'étoffer au fur et à mesure. Impeccable, je t'écoute. Donc je vais tester et puis après on verra si ça fonctionne ou pas. Je suis en train de monter sur un des plus gros arbres qui est en train de surplomber la bataille. La veille, j'ai été convoqué par mon général ou mon capitaine, celui qui gère plus ou moins mon bataillon, qui m'a demandé, vu que j'étais quelqu'un d'assez doué en termes d'archerie, de si possible mettre le plus en hauteur possible et de viser du coup les capitaines adverses ou les généraux pour essayer de déstabiliser l'ennemi. Donc je suis en train de me remémorer cette discussion quand je suis en train de grimper dans mon arbre le plus furtivement possible. J'essaye de ne pas me faire repérer par l'ennemi et j'essaye de faire comprendre à ceux qui me voient que je vais tenter tant bien que mal d'essayer d'inverser avec quelques flèches le cours de la bataille. En montant, je me griffe un peu les mains car les arbres ici sont un petit peu sauvages. Il n'est pas très aisé de pouvoir monter, je mets quelques instants. En arrivant sur une des premières branches, je contemple la scène de bataille qui s'étend devant moi. J'entends des cris, je vois vraiment l'horreur de la guerre entre les enfants qui se battent, les femmes, celles qui essayent de protéger vraiment leur enfant, d'autres qui essayent de protéger leur mari, inversement. C'est encore plus chaotique que les guerres que j'ai pu voir auparavant, car je suis archer de métier. J'ai de base l'habitude de tourner en ronde et de surveiller les terres de mon seigneur, plus que de me battre en pleine bataille comme c'est là. Du coup, c'est plus ou moins quelque chose de désespéré. J'essaye de remonter encore un petit peu plus haut car je ne suis pas assez haut et surtout je suis beaucoup trop visible aux flèches de l'ennemi. Arrivé sur une branche qui est un petit peu plus touffue que les autres. Je suis penchée, j'ai donc les deux pieds sur une branche, je suis accroupie, j'ai testé le poids que celle-ci pouvait supporter avant de m'y engager. J'encoche une flèche et j'attends plus ou moins de trouver une visée et surtout une personne qui soit assez intéressante pour m'ouvrir. Ok. Alors, je pense que là, déjà, tu vois, éventuellement, ça, on pourra faire un conflit où justement, tu essaieras de tuer une personne clé dans l'armée adverse. Mais ceci dit, avant de pouvoir faire un conflit, ben justement, il faut que tu crées le personnage donc jeter un dé et puis écrire ta première phrase, quoi. Dès combien C'est déjà, D12. rappelle-moi. D12, Dès si tu 12. veux. J'ai fait 9 et j'ai pas ouvert mes fiches, je suis une mauvaise joueuse. 9 de mémoire, c'est la science. Science. Science, science, science. Alors, je vais te donner les quelques mots-clés qui sont liés à la science. Ça peut toujours te donner des Ça idées. peut être une arme de toute façon, ouais. Ouais, ça peut être une arme. Ça peut être. Alors, les 12 mots-clés, c'est alchimie, technologie. Alchimie, c'est bon. Ah, C'est ok, direct, tout de impeccable. suite. Alors, c'est toujours avec le verbe vouloir. Ouais, la première phrase, effectivement, il faut le verbe vouloir. Soit tu es le sujet du verbe vouloir, soit c'est autre chose qui est le sujet, quoi. Et pas forcément au présent, le verbe. Alors, J'ai pour ordre de tuer quelqu'un et je veux prouver ma loyauté envers mon seigneur en réussissant cet ordre. Non, c'est Ok. pas bon. Chichi, très bien. Non, si c'est pas bon. Comment? Bah, Je veux le faire pour prouver que. Parce que tu n'as. je veux prouver ma loyauté en Tu n'as tuant un pas chien. la science, t'as pas du coup le thème n'est pas repris. Mmh, Alors juste pardon. avant que tu Bah, je complètes. veux empoisonner quelqu'un avec les Ah poisons que m'a concocté ouais. Ouais, ok, impeccable. que m'a concocté un alchimiste pour renverser le cours de la bataille. Ouais. Ok, alors un petit point sur les thèmes, parce que c'est quelque chose que je dis pas assez souvent. L'application du thème est strictement facultative. C'est-à-dire que si à un moment, pour toi, c'est pas logique d'appliquer le thème parce que tu préfères coller à ce que t'as raconté avant et que soit t'as pas d'idée pour rajouter en fait rajouter le thème par-dessus ou tout simplement tu trouves que ça fait pas naturel, sens-toi libre d'ignorer le thème. Donc Oui, ça, c'est j'aime vraiment bien quelque chose. Ouais, tout à les fait. handicaps de genre, c'est plutôt intéressant, surtout quand on commence à avoir un petit peu de bouteille en termes de JD. C'est intéressant justement d'utiliser les handicaps, je trouve, et du coup, ça évite de trop de facilité, et surtout, ça donne un aspect au jeu où on doit réfléchir vite et bien. Ouais, Donc, je trouve mais ça très c'est juste intéressant. pour préciser que c'est encore mieux si tu sais que c'est facultatif. C'est-à-dire qu'il y aura Oui, peut-être ok. un moment dans le jeu où il faut que ce soit fluide et tout, et du coup tu feras l'économie du thème, quoi. Pas de souci. Je peux rebondir? Alors par exemple, tu peux Vous. rebondir justement en faisant intervenir ton perso, c'est ça que je veux dire? C'est ça que tu veux dire, Non, Alexandre? juste en, ouais, voilà, en présentant mon personnage par rapport à la situation qui a été décrite, parce que ça colle tout à fait aussi avec ce que j'avais réfléchi. Pas de problème, pas de problème. Et je pense que ça va pas mal lancer la chose. Alors pour ma part, je suis une jeune fille d'environ 11-12 ans. J'ai l'air un petit peu plus âgé parce que je suis assez grande pour mon âge. J'ai des cheveux roux mais très courts qui me font un peu passer pour un garçon. Des taches de rousseur, des yeux bleus très très foncés et vêtu de haillons. Ce que je fais dans cette armée, je suis, on va dire tout simplement, au départ, comme la plupart des armées, on va dire un écorcheur. Je suis là pour ramasser tout ce que les soldats morts au combat peuvent justement laisser sur le champ de bataille et qui pourraient être utiles à mon armée. J'y suis malgré tout extrêmement loyal envers mon armée et fais en sorte d'aider en tout cas les soldats dans cette guerre et également ma famille qui vit justement de ce commerce quelque peu discutable. Et durant la bataille, alors que le combat avait duré déjà depuis plusieurs heures, depuis l'aube, alors que le brouillard justement s'était levé, les deux armées s'étaient engagées, avaient lutté dans le fer et le sang l'une contre l'autre, j'ai saisi une opportunité. Ayant prudemment attendu, comme on me l'a appris, que le gros, comment dire, de la mêlée se déplace un peu plus, puisque par chance, ce jour-là, mon armée avait l'air victorieuse et les lignes ennemies avaient été enfoncées. J'ai été passé derrière eux comme un charognard pour ramasser ce qui pourrait peut-être permettre à ma famille de gens très pauvres de faire fortune. Et là, j'ai trouvé par terre, au milieu de la boue, dans ce mélange de boue et de feuilles, au milieu de cette brume qui se dissipait, l'étendard ennemi. Et tout de suite, je m'en suis emparé, j'ai couru. Mais seulement un carreau m'a atteint dans le dos. Ça m'a fait très mal, je suis tombé sous le choc et je suis pour l'instant sur le sol, vraisemblablement en train de mourir. L'étendard à la main, essayant désespérément, ayant une idée en tête, une seule idée en tête, ramener l'étendard ennemi dans le camp de mon armée, entre guillemets, afin d'être couvert de gloire et de permettre à ma famille, elle aussi, d'atteindre un meilleur statut que celui d'écorcheur de vautour. Alors, est-ce que par Alexandre, est-ce que tu es en fait la personne que Scarlett est en train de viser? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est dans la même armée ou pas, en fait? La chose en suspension. D'accord. D'où après la possibilité de faire un flashback. Ok. Alors là, Scarlett, je vais te laisser deux choix. Soit tu nous... Parce que je pense qu'on peut jouer un conflit pour voir si tu... Enfin, soit on joue un conflit, mais ouais, on peut jouer un conflit pour voir si tu si t'arrives à abattre la personne que tu vises. Donc là, je pense, comment, t'as tout à fait le droit de dire que c'est le perso d'Alexandre. S'il contredit, bah, en fait, on peut même jouer un conflit pour vérifier si c'est lui ou pas. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un d'autre, quoi. Moi, pour ma part, j'ai vraiment reçu des ordres vraiment stricts. Hein. C'est vraiment abattre des généraux de guerre ou des capitaines ou des Ouais. mecs qui gèrent des bataillons. C'est pas du tout, je m'intéresse pas à des. Je m'intéresse pas du tout à ce que une enfant ramène le drapeau. De toute façon, je sais que même si elle ramène le drapeau chez l'ennemi, du moment que moi, de mon côté, j'arrive à suivre la bataille Ouais, pour toi, c'est pas en. stratégique, tu penses pas que ça influera le cours des choses si Non, elle capture ça l'étendard. pourra du moins faire baisser, comment dire, le moral des troupes de mon camp. Mais pour ma part, j'ai reçu des ordres stricts et je vais m'y tenir. Ok. Et donc, du coup, la personne que t'as en ligne de mire, c'est quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a complètement quelqu'un d'autre. D'ailleurs, pour le moment, j'ai pas encore vraiment fait mon choix. Je suis même plutôt loin de la bataille et j'essaye de suivre en sautant de broche en branche sans essayer de tomber. Donc, je suis plus attentive à essayer de trouver un endroit assez stratégique où je suis à moitié cachée, mais pas non plus trop pour me permettre de tirer. Et vu que la bataille, justement, évolue en fonction de soit l'un, soit l'autre, je dois tenter de la suivre en essayant de me cacher le plus possible. Donc, pour l'instant, je suis plus attentive à ma propre sécurité et à trouver un endroit vraiment bien placé pour arriver à décocher mes flèches sans que je ne me fasse remarquer trop vite par l'ennemi. Ok. Alors, moi j'aurais une suggestion en fait. Comment je pourrais intervenir mon personnage, mais alors je vous préviens, l'idée que j'ai, elle risque déjà de. Enfin, elle m'est arrivée déjà en commençant à jouer, mais elle risque déjà de pas mal déterminer toute la suite en fait, parce que c'est l'idée que j'ai, c'est pour expliquer la cause de la guerre. Est-ce que ça vous paraît prématuré ou est-ce que ça vous dérange pas si on amène ça Non, tout de non, suite? non. Ok. Alors, comment, sautant d'arbre en arbre et tout, comment, t'arrives, comment, t'arrives, non pas au, t'arrives dans une zone, dans une grosse zone de mêlée, où est impliqué justement le capitaine, le capitaine de l'armée. De l'armée adverse, donc justement ta cible. Et donc il est en armure, il est pas tout à fait, il est pas vraiment en train de se battre parce qu'il y a, on va dire qu'il y a un carré de chevaliers qui le protège et qui fait le ménage autour de lui, quoi. Donc il est plutôt à vociférer des ordres. Et ah oui, tiens, à la limite, je vais pas donner toutes les explications, je vais juste donner un premier indice. Pour histoire qu'il y ait un peu de suspense. Ce capitaine, tu l'avais jamais vu en fait. Tu le reconnais à son uniforme. Tu sais que c'est lui, mais bon, t'avais pas eu de description avant. Et en fait, il se trouve que le capitaine en question, c'est ton propre frère. Ça, j'en étais sûre. J'en étais certaine. Je le voyais venir gros comme une maison. Oui, eh bien, sur C'est le la coup. partie immergée de l'iceberg, hein, seulement. Bien, sur le coup, je suis un petit peu déstabilisée. J'essaye vraiment de froncer les sourcils pour voir vraiment si c'est lui, voir si sa voix correspond à celle dont je me souviens. Surtout que je me rappelle que nous sommes perdus de vue depuis déjà quelques années. Pour une cause que j'ai oubliée ou que je ne veux pas me rappeler. Ouais. Alors, c'est un homme qui a une grosse quarantaine. Il est de haute stature et il a le visage vraiment dur, quoi. Mais il a le visage de souffert, en fait. Je veux dire moralement. Bon, physiquement aussi, parce que on peut voir comment on peut voir qu'il est borgne et il y a une large balafre qui lui barre le visage, donc il a dû perdre un œil. Mais surtout vraiment ce qui marque son visage, c'est pas les cicatrices, c'est pas la vieillesse, c'est effectivement une grande souffrance intérieure. Et quand on le voit donner des ordres et tout, galvaniser ses troupes. En fait, il est pas capitaine d'armée, il est l'armée, quoi. Il est vraiment impliqué corps et âme dans cette bataille. Ok. Donc je le reconnais vraiment comme étant mon frère, quoi. Ouais, pour toi, il y a pas de doute. Alors, D'accord. je rappelle aux auditeurs, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome de l'oubli dans Milvaux, qui fait que on perd les souvenirs qui sont vieux de plus de 3 ans. Alors dans cette partie, vous l'utilisez de façon plastique, vous pouvez très bien complètement passer le syndrome de l'oubli sous silence, ou effectivement jouer avec des amnésies partielles quand ça vous arrange. Ne serait-ce que par exemple, ça peut vous dispenser de tout expliquer, quoi. Ok. Donc c'est vrai que j'ai dit que tu reconnaissais comme étant ton frère, tu peux aussi décréter que de joueur à joueur, on sait que c'est ton frère, mais que ton personnage s'en rappelle pas. C'est à toi de voir. Bah comme j'ai stipulé, en fait, c'est que enfin, sur le coup, j'ai un petit peu bloqué parce que je me rappelle que c'est lui. Par contre, je ne me rappelle pas qu'est-ce qui nous a séparés, en fait, dans la vie. Je ne me rappelle plus du tout. Ou auquel cas, j'ai pas envie de m'en rappeler, mais pour le moment, sur le coup, je ne sais plus. J'essaye de chercher et j'essaye de plus ramener ma concentration sur la bataille actuelle et sur ma cible, plutôt que sur ce genre de souvenirs un petit peu futiles qui risquent de me déconcentrer sur l'objectif que j'ai à suivre. Ok. Est-ce que tu décoches ta flèche ou est-ce que tu prends le temps Je prends de vraiment le bien temps. viser ouais. Je Donc du prends coup, vraiment le temps, ouais. pour simuler ça, je pense qu'on va finir ton instance sans conflit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on rajoute juste un dé. Enfin, on écrit une nouvelle phrase qui fait un peu le bilan. Et puis on verra plus tard pour viser quoi, pour tirer. Ok. Donc du coup, tu vas pouvoir jeter un nouveau dé 12. Neuf encore, donc Voilà, science, encore une fois. relation, ouais. Donc je dois faire une phrase. Il n'y a plus le verbe vouloir. Grosso modo, c'est soit une phrase qui résume un petit peu ce qui s'est passé, par exemple disant que tu as rencontré ton frère, ou alors tu peux carrément rajouter de la fiction et puis l'introduire avec cette phrase, quoi. Je viens de me rendre compte que la cible que je dois abattre est mon frère, malgré tout, pour avoir oublié ce qui nous a séparés, je me concentre avant tout sur la cible plutôt que sur nos liens de parenté. Quel rapport avec la science? Aucune. Je te dis, hein, n'hésite pas à zapper si ça t'embête. Ouais, après les liens du sang, c'est pas vraiment de la science. Je vais faire un truc vachement plus simple. C'est les tableaux des thèmes que je vais garder sous les yeux parce que ça m'a évité de te demander à chaque fois alchimie, technologie, post-apo, relique, vulgaire. Artefacts, armes à feu, obscurantisme, artisanat, livre. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Est-ce que je peux, comment dire, est-ce que le fait d'utiliser, comment dire, de réfléchir à mon environnement, c'est-à-dire la vitesse à laquelle sera décochée ma flèche, le vent, si quelqu'un arrive à l'arrêter ou se la prend à la place de ma cible, est-ce que ça peut être considéré comme de la science? Ouais, t'es une sorte de Sherlock Holmes du tir, quoi. C'est possible de faire ça? Oui, tout à fait, ouais. C'est vraiment une couleur, donc ça donne un petit côté cool au personnage, quoi. Donc c'est très bien. Alors du coup, alors en évitant de penser avant tout que que mon frère est la cible, je me concentre sur le vent, le directionnel de ma flèche, ainsi que les hommes qui sont autour de lui. Pour faire plus simple, j'essaye de calculer la trajectoire parfaite pour arriver à atteindre ma cible. Ouais, et le fait que je sois ton frère n'est pas une donnée pertinente. Non. Ok. Très bien, donc là, tu peux rajouter encore un peu de narration, mais généralement, quand on a écrit la deuxième phrase, on clôture, quoi. Donc c'est à toi de voir, mais Ça me suffit, je pense laisse que un c'est petit déjà peu de pas mal, place. ouais. Ouais. Alex, est-ce que tu te sens d'enchaîner sur ton instance? Pas de problème. Peut-être, alors assez rapidement, bon, pour le moment vos personnages n'ont pas de nom, il faudra quand même assez rapidement de retrouver des noms, ce sera plus facile pour les auditeurs notamment. Ok. Donc réfléchissez-en pendant que les autres parlent. Oh, Moi, j'y je réfléchis justement. déjà réfléchi, moi, c'est bon. Ouais. Alex, quand tu créeras ton personnage, t'es pas obligé de décrire la première phrase tout de suite, mais quand tu l'écriras, il faudra qu'il y ait un lien avec une des deux phrases de Scarlett. Ou D'accord. avec le personnage de Scarlett directement. Parce qu'on joue en character centered, il faut que les personnages soient très liés. Bon, moi j'ai pris les devants en disant que j'étais son frère. Mais toi, pour le moment, ton personnage, il est un peu déconnecté, quoi. Certes. Je suis donc pour l'instant étendu sur le sol. J'ai une douleur abominable dans le dos due au carreau qui m'a complètement percé le flanc et peut-être même touché le rein. Qui cause évidemment des traumatismes affreux et des sensations insoutenables. Malgré tout, je serre les dents, j'essaye tant bien que mal de ramper pour aller me mettre à couvert et je ne perds pas des yeux l'objectif que je me suis fixé, c'est de ramener cet étendard pour moi, pour ma famille, c'est cela qui me fait continuer à agir, et uniquement cela. Seulement, alors que je pensais être à couvert, peut-être plus en marge du champ de bataille, alors que la mêlée, je l'entends très loin, alors que j'entends les bris d'armes, qui s'éloigne petit à petit, très loin dans la forêt. Je m'aperçois qu'il y a des bruits de pas qui approchent, dans la forêt. Des bruits de pas visiblement humains, mais ils se veulent en tout cas assez discrets. Et je n'ai même pas le temps, de me retourner. Que j'ai l'impression de prendre un vilain coup sur la tête et le noir complet pendant je ne sais pas combien de temps. Je me suis endormi, enfin du moins, j'ai été assommé alors que j'étais crispé, les mains crispées sur l'étendard, comme si c'était ma seule et unique raison de vivre. Et alors, je vais finir par me réveiller, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, dans une charrette entourée par d'autres gens qui ont été entassés, probablement des cadavres qui ont été rassemblés sur le champ de bataille. Et ils ont cru que d'une manière ou d'une autre, j'étais mort ou m'ont déclaré comme tel. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire de moi. J'ai peur, j'ai froid, c'est abominable de se retrouver au beau milieu de ces cadavres de soldats. Et j'ai très mal. La blessure me fait toujours très mal, je suis presque incapable de bouger. Le moindre mouvement m'est insoutenable. Si tu permets, je vais compléter. Oui. Alors là justement, tu vois, grosso modo, je te demande, la permission de décrire une partie des figurants, des décors, si tu veux bien. Puisqu'en fait, il y a des hommes qui sont en train de pousser ces cadavres dans une fosse commune. Tu sens déjà l'odeur puissante de la chaux qui est mise dans un creuset à côté et qu'on va déverser sur les cadavres. Et il y a une vieille femme dans une robe complètement déchirée, les cheveux ébouriffés. On sent qu'avant elle a peut-être été quelqu'un d'important, mais clairement sa gloire passée n'est plus qu'un vestige. Et en fait, elle désigne le charnier du doigt, puis elle fait: dans la mort, nous sommes tous frères. Alors, est-ce que tu fais quelque chose pour éviter de te faire balancer dans une fosse commune et recouvrir de chaux? Je n'ai pas terminé mon existence. Il faut que je parvienne à m'échapper de la charrette. Je vais tenter de me laisser glisser petit à petit pour éviter justement que les mouvements me soient douloureux. Et je vais vraiment me laisser glisser du chariot discrètement, le plus discrètement possible en tout cas, pour ne pas éveiller l'attention. Et ensuite essayer de nouveau d'aller me mettre à couvert dans des J'ai une question. fourrés. Du coup, t'as paumé l'étendard ou tu l'as toujours avec toi? Non, non, je ne l'ai plus avec moi. Ok. Ils m'ont ramassé sans, ne l'ont pas trouvé en tout cas à leur goût. Ou alors ce n'est pas les mêmes personnes qui m'ont assommé et qui m'ont mis sur le charnier. Je ne peux pas le savoir pour l'instant. J'ai du mal même à savoir si je suis peut-être même victime de mes propres troupes. Ouais, tu sais pas du tout de quelle troupe ils sont, ouais. Non, D'accord. là, tout est assez confus au niveau de mon environnement. Puis, et en plus, c'est vraiment une armée de briques et de broc, hein. Oui, C'est-à-dire qu'il y a en il n'y fait a pas les... d'étendard très clair qui Bah, permette il y a de des reconnaître. étendards et des gradés, mais l'armée, enfin, la plupart des troupes n'ont pas Oui, c'est les d'uniforme, quoi. piétons. Ouais. Donc j'essaye de m'extraire du chariot, si Ok. cela m'est encore possible. Tu veux jouer un conflit là-dessus? Je pense qu'on peut déclarer Oui, une réussite oui, oui. automatique. Non, tu préfères jouer un conflit? Ah ben je sais pas, est-ce que c'est intéressant de jouer un conflit dans cette situation? Bah, en fait, là, si c'est un conflit, grosso modo, si tu foires le conflit, tu te retrouves carrément enterrée vivante, hein. Donc, si la perspective, en fait, si ce suspense-là t'intéresse, de dire putain, est-ce que je vais finir enterrée vivante? Oui, on joue un conflit. Pourquoi pas, comme ça permettra de voir un peu comment ça fonctionne. Ok, alors dans ces cas-là, pour jouer un conflit, faut enfin, en théorie, on peut jouer un conflit sans avoir créé son personnage, sans avoir sa première phrase, on a juste un seul dé. Mais bon, ce serait quand même mieux si tu créais ton personnage avant qu'on fasse le conflit. Du coup, je vais te demander de jeter un dé. Alors, pour moi, ce sera 5. Donc 5, les Grégores. Donc, je rappelle pour les auditeurs et pour toi, Alex, hein, l'égrégore, c'est l'énergie surnaturelle qui nimbe Milvo. En fait, elle est la somme de toutes les hantises humaines. Clairement, la bataille, il faut imaginer que c'est un focus d'égrégore colossal, quoi. En fait, dans des batailles dantesques telles que celle-ci, tout peut arriver, quoi. Parce que justement, la fureur de la guerre, en fait, va créer énormément. Et c'est pour ça qu'il y a des miracles qui arrivent, et des miracles et des horreurs qui peuvent arriver pendant les batailles, quoi. Alors, il y a une chose qui m'intéresse dans les propositions, c'est les liens du destin. Et donc, est-ce que je peux formuler je ne veux pas mourir parce que justement, je n'ai pas accompli ma destinée? Oui, très bien. Alors, n'oublie pas qu'il faut qu'il y ait un lien avec une des deux phrases de Scarlett. Alors, vite fait, je l'ai redit, hein. Je veux empoisonner un ennemi avec les flèches qu'on m'a fabriquées pour renverser l'ordre de la bataille. Ou alors, ma cible est mon frère, malgré tout, je me concentre sur le vent, la direction de ma flèche. Ah oui. Est-ce que ma destinée, justement, peut être à mon niveau de faire basculer le cours de la bataille sans par un, on va dire un enchaînement d'événements ou de Ouais, une sorte d'effet tout à fait, papillon? Donc, je ne veux pas mourir car je veux faire basculer le cours de la bataille. ouais. Ok. Donc ouais, alors que t'es baigné dans la fosse, y a des bras, des visages de cadavres qui heurtent ton propre visage. Tu sens leur corps livide, leur odeur forte et tout. Et le comble de tout ça, c'est que tu reconnais parmi ces corps, tu reconnais des visages familiers, tant amis qu'ennemis par ailleurs, même des gens très proches de toi, des cousins, un grand-père. Ce qui me terrifie encore plus. Ok. Mais me donne aussi la force, peut-être justement, de ne pas vouloir, ne pas en tout cas que leur mort soit vaine. Impeccable. On fixe l'objectif du conflit. Je pense que l'objectif du conflit, c'est ne pas être enterrée vivante. Voilà, on D'accord? est d'accord. Donc tu as droit à autant de dés que tu as de phrases liées au conflit, en l'occurrence bah, ta première, quoi, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc tu as un dé 12. Alors Scarlett, je sais que tu as coupé ton micro, mais si tu nous entends, est-ce que tu aides Alexandre, enfin, ou est-ce que tu joues contre lui, parce que finalement c'est un ennemi, ou est-ce que tu restes neutre dans ce duel? Je rappelle que grâce à l'égrégore, on peut intervenir dans un duel même à distance. Bon, ça se trouve t'es juste à côté, hein, parce que qui sait, hein, t'es peut-être à portée de flèche de l'archer, mais peut-être à l'autre bout de la forêt. Hein, ça, on n'en sait rien. On n'est peut-être même pas au même moment. Mais alors, on s'en fout parce que grâce à l'égrégore, tu peux intervenir à distance, à travers l'espace et à travers le temps. Donc du coup là clairement le personnage d'Alex du coup joue contre mon camp. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, à son tout petit niveau, elle essaye réellement de renverser le cours de la bataille. C'est pour ça qu'elle a capturé l'étendard, quoi. Et en fait, t'as pas fait attention à elle de prime abord, mais elle est peut-être pas aussi insignifiante que t'aurais pu croire, quoi. C'est le pion qui pourrait renverser la bataille. Alors dans ce cas-là, j'essaie plus de l'handicaper que de l'aider. Alors, qu'est-ce que t'as comme phrase qui pourrait t'aider à l'handicaper? Rappelle-moi les phrases quand on les utilise, ensuite on les barre si on perd le conflit, hein. Non, pas forcément. C'est si tu obtiens un certain type de réussite qui s'appelle les sacrifices. Bah j'ai la première, Ouais, parce que carrément. j'ai la bataille dedans. Alors, sachant que tu peux aussi utiliser une phrase quand elle s'avère être un handicap. Mettons par exemple, tu utilises la deuxième phrase, ça pourrait dire que finalement tu te retrouves obligé t'es déconcentré par le fait que tu la vois par exemple en périphérie, si on estime que ça passe au même endroit, et du coup tu loupes ta cible initiale pour te concentrer sur elle. Oh non, non, pas du tout, parce que non, non, du tout, du tout. Parce que j'ai vraiment une idée assez claire. Enfin, pour moi, les ordres que j'ai reçus sont extrêmement clairs. Je dois abattre cette cible-là. Il faudrait vraiment que soit elle ait une information, soit ce soit un messager qui apporte des nouvelles de la bataille, soit un truc comme ça. Je me vois pas utiliser cet handicap-là parce que je suis Que la complètement première, quoi. Ouais. concentrée sur ma cible. Ouais. Ouais. Donc tu utilises plutôt une partie de ton énergie mentale pour influer Plutôt, son ouais. destin, mais tu vas pas tirer vraiment sur elle, quoi. Donc on sait toujours pas si elle est au même endroit et au même moment. Pas de problème. Donc ça fait un dé contre un dé. Je vais vous laisser jeter. Ah ben, c'est chouette. Un. 10. Ok. Donc Alex, en fait, le score que t'as fait, c'est un sacrifice. Ça veut dire que Oui. normalement, un sacrifice. Et Scarlett a fait entre 10 et 10, c'est une souffrance. Sacrifice, c'est entre 1 et 2, souffrance, c'est entre 9 et 10, et un troisième score, c'est la puissance entre 11 et 12. Sacrifice contre souffrance, c'est toi qui remportes le conflit. Mais tu le remportes avec un sacrifice, autrement dit, avec l'obligation de barrer une phrase. Alors tu peux, en fait, ton sacrifice, tu peux le passer à quelqu'un d'autre. Par exemple, Scarlett, tu peux pas le passer à moi parce que j'ai pas de phrase à barrer. Mais je serais assez étonné que Scarlett accepte de barrer une phrase. Ça veut dire que tu gagnerais, mais en fait, en disparaissant du jeu, quoi. C'est-à-dire que t'es pas enterré vivante, mais d'une façon ou d'une autre, tu disparais du jeu. Soit tu deviens un PNJ, soit tu meurs d'une autre façon, quoi. Ou alors, par exemple, on peut imaginer que en barrant ta phrase, tu perdes le goût de renverser le cours de la bataille et que tu prennes la fuite et que tu disparaisses en fait complètement du scénario, par exemple. Alors, ceci dit, avant que tu prennes cette décision, tu as le droit de twister ça. En fait, tu peux dire, ah non, en fait, le prix est trop lourd à payer. Ah oui, mais non, de toute façon, ouais. Là, en l'occurrence, tu vas crever quand même. Non, non, mais là, Ouais. c'est... Ouais, Je parce que sinon, peux en quand fait, même essayer de... on peut choisir de perdre un. Si, remarque, je t'explique. Tu peux choisir de perdre. Tu peux choisir de perdre. C'est ce que permettent les sacrifices. Tu dis, je perds. Donc, c'est-à-dire que je vais être enterrée vivante. Quelque part, ça ne veut pas dire que tu meurs. C'est juste que tu te retrouves ensevelie par des cadavres et de la chaux. Mais bon, peut-être que tu pourras t'en sortir après. Ce sera cool, n'est-ce pas? Comme tu as choisi de perdre, en compensation, tu développes un pouvoir. C'est écrit, t'écris une nouvelle phrase qui J'allais raconte te ta défaite demander. et qui explique que tu as un super pouvoir qui rocks, quoi. J'allais te demander justement si c'était possible dans cette Ouais, situation-là. tout à fait. Je vais Parce que. plutôt pour cette option. Je vais être enterrée vivante, malheureusement. On va me rattraper par les pieds, me traîner jusqu'à la fosse pour me jeter encore vivante. Mais bon, ça, visiblement, ça les dérange pas trop. Excellent. Et je vais sentir la chaux qui va me brûler et la terre qui va me recouvrir. Puis, semble-t-il, plus rien. Là, l'abandon, peut-être. Ok. Mais non, en fait. Peut-être que justement mon jour n'était pas venu et que d'une certaine manière la manifestation de l'égrégore va se faire à travers moi. Je tire aussi pour un thème pour le pouvoir. Ouais, alors donc en fait toi tu récoltes un dé de pouvoir. Quant à toi Scarlett, tu as un dé de souffrance. Vous rejetez tous les deux votre dé pour savoir le thème. Ah bah, décidément. Encore un 1. Folie. Ouais, donc toi tu auras un pouvoir de folie. Et quant à toi Scarlett, ta souffrance, elle donne quel score? Égrégore, le 5. Souffrance d'Egrégor. Alors, encore une fois, donc ces dés de souffrance, de pouvoir ou de puissance, parce qu'on peut avoir des dés de puissance, vous n'êtes pas obligé de les garder pour vous. Vous pouvez les donner. Bon après, c'est pas obligé, mais par exemple, vous pouvez me donner un dé qui me permettra de créer mon personnage. Supposons que Scarlett me donne le dé de souffrance, du coup, mon personnage, il va entre guillemets apparaître dans la souffrance, quoi. Vous pouvez les garder pour vous parce que ça fait des ressources pour la suite. Hein. Non, mais tu me dis que ton personnage, on pouvait rien lui donner tant qu'il avait pas de phrase. Si tu peux pas lui donner un dé de sacrifice parce que le dé de sacrifice ça fait barrer des phrases. Mais là c'est un dé qui fait créer une phrase donc tu peux la donner. Bah écoute, ouais, je vais faire ça. Je te donne du coup mon dé de souffrance. Souffrance en égrégore, ok. Je vais penser le garder parce que du coup je pouvais utiliser le fait d'émotions fortes ou quoi que ce soit, mais les liens du destin, tata, enfin. Mais ouais, du coup je préfère te le donner. Ah, ok, super. Donc Alex, comme c'était ton instance, normalement c'est toi qui écris qui écris ta phrase en premier là, avec ton dé de pouvoir. Sauf si tu la donnes, enfin. Mais en fait, alors que je vais être complètement brûlé par la chaux, mais à un point où j'en suis presque brûlé à l'os, que maintenant je vais réussir à me relever par la seule force de ma volonté, je crois, mais en fait par la seule force de l'égrégore, d'une certaine manière. Et mon apparence va m'aider à provoquer la peur dans le cœur et dans l'esprit de mes ennemis. Alors, excuse-moi, mais tu t'avances un petit peu parce que t'as perdu. Je te rappelle que t'as perdu le conflit, donc tu es enterrée vivante. Ça veut dire que t'es encore sous terre, quoi. Je pense que ça peut être intéressant justement le fait de te sortir de la terre. On le verra peut-être Oui. pour plus tard, quoi. Donc, pour l'instant. Pour l'instant, t'es sous la terre, quoi. Enfin, ça, après, je pensais, comment dire, par rapport au thème. Donc, je dois déjà jouer ma sortie de terre, si je puis dire. Non, non, non, t'as pas à la jouer. Je pense qu'on gardera ça pour une autre instance, quoi, pour plus tard, quoi. Donc, du coup, je fais quoi? Juste explique-moi c'est quoi ton pouvoir, quoi. Ben, c'est cela, provoquer la peur. Ouais, ok. Bah très bien. Donc. Mais en fait, ça va te servir pour plus tard, quoi. Tu sais que tu peux provoquer la peur, mais pour l'instant, il faudra effectivement te sortir du charnier, quoi. Donc, juste, je provoque la peur en Ok. tant que pouvoir. Ok. D'accord. Donc t'écris pouvoir sur la phrase entre parenthèses pour qu'on s'en rappelle, parce que c'est une phrase plus puissante que les autres. Ça commence bien. Ok, super. Donc à moi j'ai une phrase de souffrance pour créer mon personnage. Et en fait, mon personnage, il a un pouvoir ou une malédiction, c'est que il ressent en fait toute la souffrance que peuvent les membres de sa famille. Et en l'occurrence, si tu es d'accord, Alex, tu es ma fille. Alors certes, il y a une partie de ta famille qui sont des gueux. Mais il se trouve que il y a Scarlett qui fait un commentaire. Genre, mais what Merci. the fuck? En fait, je pense que t'es une de mes filles légitimes, en fait. Je pense que je suis un noble, quand même, pour être capitaine. Et donc, comme t'as dit que tu faisais partie plutôt des gueux, je pense que t'es une fille, t'es ma fille légitime. Et en fait, je ressens la douleur de la chaux qui te recouvre, tout ça, même si ça me brûle pas vraiment, quoi. Enfin, pas loin, hein. Je pense qu'on peut carrément voir ma peau fumer, quoi. Et donc toi, Scarlett, qui est en train de m'observer depuis l'arbre, tu m'entends hurler, en fait, de douleur, me tenir le visage, me tenir les yeux, et tout ça, à un tel point que ça déstabilise les soldats autour de moi qui se mettent presque en difficulté, puisque je rappelle que, en fait, ils sont en train de constituer un pré-carré, pour me défendre contre l'avant-garde ennemie. Et donc, ma phrase, c'est comment je ne veux plus comment je ne veux plus ressentir la souffrance de ma famille. Je ne veux plus ressentir la souffrance des liens du sang. D'accord. Et donc, on peut imaginer que justement, tu ne te souviens plus que je suis ta fille, et moi non plus d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça justement que Ouais, je vis une vie d'écorcheur, où j'ai été adopté par un clan de. Ouais, peut-être, ouais. C'est possible. C'est dans l'ordre du possible. De toute façon, en jouant des scènes dans le passé, on aura peut-être l'occasion Est-ce d'élaborer qu'on peut ça. dire qu'en plus, le perso de Scarlett est ma tante? Ouais, tout à Oh, fait. mais ça alors! Oncle, joue un homme. Ah, Vu du ok, très bien. commentaire. Ouais, c'est merci de le préciser parce que finalement, oui, ça monte, t'as dit que t'étais archer, mais j'avais pas. D'accord, donc c'est ton oncle. Super. Génial. Ah, pardon, oui, c'est un homme. Ah, j'avais pas. Oui. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas tout à fait précisé. Ouais, c'est vrai, comme on n'a pas donné les noms pour l'instant, ça reste Ouais, pas de ouais. description physique, ouais, c'est vrai. Bah, moi aussi, je me suis décrit physiquement, mais pas, j'ai pas donné de nom. Ok. Thomas, tu peux me permettre un AFK hyper rapide, il flotte chez moi et j'étais en train de l'écrire. Et en fait, si tu veux, comme une idiote, j'ai étendu mon linge dehors. J'en ai pour 2 minutes max, je le rafle et je reviens tout de suite. Je Bon, suis pas de problème, je désolée. vais faire surtout du descriptif en attendant. Ok, merci. Ok, donc la bataille continue à faire rage, hein. Imaginez comment des immenses chevaux noirs qui caracolent dans la forêt en écrasant des corps renversés. La bataille est vraiment en train de passer un cap, de devenir folle. Il y a des barricades en fait, des barricades de ronces et de pieux taillés sur lesquels viennent se fracasser des fantassins en armure dans le plus grand chaos. Il y a des moments où les gens ne comprennent plus ce qui se passe. En fait, il y a des cas de friendly fire un peu partout. Tu peux te battre pendant 5 minutes avant de te rendre compte que tu es en train de te battre contre tes alliés. Il y a des animaux qui sont empêtrés dans la bataille, en fait, pris en otage, que des sangliers et puis des errants qui courent dans tous les sens, ou alors qui sont pris ou qui se mêlent soit qui sont pris d'une terreur absolue ou qui se mêlent à la furie sanguinaire en fait prélevant leur lot de sang dévorant leurs victimes les arbres commencent à boire le sang quasiment tout le monde devient à moitié sourd, quoi. Il y a une espèce de roulement permanent. C'est les tambours, c'est aussi les incendies qui commencent à se déclarer de toutes parts. C'est la rumeur de l'orage au loin qui commence à gronder. Moi, dans tout ça, en fait, comment? Je ressens ta douleur, hein. Comment s'appelle ton personnage, Alex? Elle s'appelle Nima. Nima. Et comment? Je fais signe, donc je tac, je crie de douleur et je soulève en fait je soulève un étendard qu'on m'a ramené. Et l'étendard en l'occurrence, c'est l'étendard que tu as capturé. Donc ce que tu as fait n'était pas tout à fait vain. Et en fait, avec une torche, je mets le feu à l'étendard. Et je mets à hurler de toutes mes forces. Et je fais comment? Je crie plus jamais. Et donc l'étendard ennemi commence à brûler, l'étendard du camp de l'archer. Et en fait, cet étendard, c'est un arbre que des feuilles rouges et des gouttes de sang qui perlent les racines. Et il y a aussi deux petits arbres à côté dont les racines sont nouées avec le grand arbre, quoi. Est-ce que je peux du coup intervenir dans ton instance? Oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, essayer de te tuer. Ok. Impeccable. Alors, Mais quelle violence! et voilà ce que je propose éventuellement. Donc, en fait, il faut définir l'objectif du conflit. L'objectif du conflit, ça peut être tu me tues. Et si jamais tu gagnes le conflit, bon, d'habitude, quand un personnage se fait tuer, en fait, on crée un nouveau personnage dans la foulée, quoi. Mais là, ce qui peut être intéressant, c'est que si mon personnage meurt, je pourrais agir depuis le passé, en fait. Donc, je garderai ma feuille de perso, je continuerai à jouer, mais uniquement depuis le passé. D'accord. Est-ce que ça vous va comme compromis? Pas de problème. Alors, du coup, on fixe un contre-objectif, c'est ce qui se passe si tu ne réussis pas. Bah, je vais être vu des chevaliers qui sont autour de toi, ou du moins il y en a Ouais. au moins un qui va arriver à me voir, qui va lancer un ordre sur moi pour essayer de me Ouais. faire tomber. Ok. Donc, objectif, je meurs. Contre-objectif, tu es repéré. Voilà. Très bien. Ok. Alors, moi, ce que je propose pour me. Donc, comme t'es l'attaquant, on va te laisser utiliser la première phrase. Je suppose que c'est une de tes deux phrases. Je vais même utiliser les deux. Ouais. Parce que là, c'est essayer de tuer quelqu'un avec des flèches empoisonnées pour renverser le cours de la bataille. Si je te tue en l'occurrence, bah, ça va Est-ce que renverser le cours de la est-ce bataille. que je peux te permettre une suggestion? Parce qu'en fait, là, j'ai un thème directeur qui est les liens du sang. Ouais. Vous l'avez compris. Et est-ce qu'on peut le renforcer? Alors, tu as tout à fait le droit de refuser, hein, en disant qu'en fait, le poison qu'il y a sur tes flèches, C'est ni plus ni moins que mon sang, en fait. C'est-à-dire que si tu imprègnes une flèche du sang de ton ennemi, tu peux le tuer à coup sûr. Est-ce que Bah, ça en fait, t'intéresse? non, pas trop, parce que ça veut dire que déjà de base, de prime abord, il y aurait fallu d'un moyen précis que j'arrive à obtenir plein de Ouais, sang. Et d'accord, c'est pas grave, hein. deuxièmement, parce que de base, je me suis présentée comme étant un archer d'élite, et que du coup, j'essaye toujours de toucher ma cible qu'en une fois, parce que la deuxième fois, c'est pour me faire repérer. Donc si je te touche, c'est forcément à la tête. À la jugulaire, enfin un truc mortel quoi. Pas de Donc problème. Ouais. L'important, c'est de préserver la vision que tu as de ton personnage. Ok. Donc du coup, tu utilises quelle phrase, la première ou la deuxième? peux pas utiliser les deux? Ouais, si, tu peux utiliser les deux. Ouais, bah j'utilise les deux vu que les deux justement sont axés sur ma mission première qui est de tuer un général de guerre pour déstabiliser la bataille, malgré que tu sois mon frère. Enfin, en fait, au final, j'ai oublié du fait de pourquoi on a été séparés. J'ai eu beaucoup de peine à te reconnaître, donc au final, je ne me rappelle pas grand-chose de toi. Et surtout, c'est que j'ai envie que cette guerre cesse avant de retrouver mon frère. Ouais. Ok. Bon, moi, j'utilise ma seule et unique phrase, hein. Je ne veux plus ressentir la souffrance des liens du sang. En l'occurrence, c'est une phrase qui est un handicap, c'est-à-dire qu'elle ne me défend pas du tout. On a le droit d'utiliser une phrase, même si ça s'avère être un handicap. Dans le sens où, au moins, si tu me tues, ben, tout ça cessera. Et quelque part, si c'est toi qui me tues, mon frère, c'est que ça devait finir comme ça, quoi. Au final, j'ai combien de dés? J'en ai deux. T'en as deux, moi j'en ai un. Ok. Nima, est-ce que tu aides un camp ou l'autre à travers les Grégors? Bah comme nous sommes d'une certaine manière à travers les Grégores entrés en contact, moi, en te renvoyant ma souffrance, je pense que je vais en effet m'allier à toi pour te soutenir dans cette épreuve et en fait la faire hésiter. Moi, je veux tenter de la faire hésiter à ne pas tirer. À cause du doute ou de la peur, justement, puisque j'ai un pouvoir qui est lié à la peur d'une certaine manière. Ouais, donc tu utilises je provoque la peur. Est-ce que tu utilises aussi je ne veux pas mourir car je veux faire basculer le cours de la bataille? Bah, je croyais que je l'avais perdu cette phrase-là, du coup. Ah mais non du tout Ah, parce que je l'ai pas non perdu. parce qu'en fait comme t'as transformé ton sacrifice en pouvoir pour donc du coup tu l'as pas perdu. Ah, d'accord, je pensais qu'on la perdait quand même, la phrase, c'est pour ça. Non. Parce que justement, t'as dit non, je veux pas de sacrifice, je préfère perdre le conflit. Donc plutôt que d'avoir un sacrifice, je crée un pouvoir en plus, quoi. D'accord, ok. Un petit point de détail Donc qui t'as m'aide perdu à le mieux pouvoir, mais t'es comprendre. quand même plus fort, quoi. Oui. T'as perdu le conflit, mais t'es plus fort. Ok. Donc tu dis, est-ce que tu utilises les deux, du coup? Bah, de toute façon, là, c'est pour accomplir mon objectif, donc oui, j'utilise les deux. Ouais, complètement. Ok. Donc en fait, les dés que tu donnes, c'est moi qui les prends. En fait, c'est moi qui vais jeter les dés. Donc moi, je jette 3 dés, et toi, Scarlett, 2 dés. Ok. J'ai 12 et 7. 12 et 7, donc 12 c'est une puissance et 7 c'est une souffrance. Alors moi je jette. Ok. Moi j'ai. Super. J'ai 2 et 2. Donc en fait j'ai 2 sacrifices et 5 c'est une souffrance. Alors comme j'ai plusieurs sacrifices dans la main, ça contamine Tous les la main dés. de sacrifice. Ça veut dire que je survivrai, mais en fait, très certainement que je perdrai mon perso. Et puis, comme je dois faire absolument quelque chose de tous les dés de sacrifice, je serai obligé de donner les deux autres dés de sacrifice à Nima. Donc, on serait deux à perdre, on perdrait nos deux persos. Ah, il y a des choses comme ça. Ça m'intéresse pas à ce stade. Donc du coup, je choisis de perdre, c'est-à-dire que je vais mourir. Je vais mourir, je vais garder mon perso, mais seulement dans le passé. Et là, du coup, normalement, je dois créer une phrase de puissance, c'est ça? Donc toi, t'avais une puissance et une souffrance. J'ai 12 et 7 ou Ouais, 5. donc en fait, t'as les deux, t'as une Ouais, puissance 12, et une 7. souffrance. Alors tu peux choisir, quand t'as les deux, tu peux choisir d'ignorer la souffrance, en fait, pour avoir vraiment une victoire bien belle, bien propre et nette. Ouais. Donc si tu veux, tu peux dire non, je garde juste un dé de puissance. Et si du coup je décide de garder la souffrance, ça fait quoi? Eh ben, tu auras une puissance et une souffrance, c'est-à-dire que c'est un oui mais quoi. Ça peut être par exemple, oui, j'ai tué mon frère, première phrase, ça me fait mal de l'avoir fait, quoi, par exemple, deuxième phrase. Je vais faire ça, ouais. Ok, alors quant à moi, du coup, comme j'ai choisi de perdre, en fait, je vais développer un pouvoir, je rejette les 3 dés, comme ça me donne 3 choix de pouvoir. Donc j'ai fait 10, c'est l'amour, 9, c'est la science, et 1, c'est la folie. Comment? L'amour, ça serait pas mal. Ouais, tout à fait. C'est exactement ce que je vais prendre. Je pense que c'est un. Je pense que c'est un pouvoir de compassion en fait. Je vais continuer le truc. En fait, ce qui a provoqué la guerre quelque part, c'est la compassion excessive de mon personnage. Le fait qu'il ressente si nettement les souffrances des autres. Comment? Oui, c'est des souffrances qui sont propres vraiment au lien du sang. Ouais, tout à fait. Et en fait, alors pour faire avec l'amour, c'est attendez, je vérifie vite fait parce qu'il y a des exemples de pouvoir en amour. Ça va m'aider un peu. Hop, alors. Alors, magie de l'amour. Magie de la haine, hein, lecture des émotions, liaison des destins. Ouais, bah je vais. En fait, il y a un pouvoir qui s'appelle lien empathique, un pouvoir d'amour qui dit: je veux croire que nos âmes sont liées, car chacune de tes peines, de tes colères et de tes joies, je la ressens dans mon propre cœur. Donc voilà, en fait, je. Alors, par contre, effectivement, je vais un peu circonscrire le truc en disant que ça se limite à la famille, quoi. Donc, je mets lien empathique, famille. Et en fait, quand tu. La flèche que tu me décoches, si j'ai bien compris, c'est entre les deux yeux, enfin, c'est vraiment quelque chose de précis. Quelque chose de mortel, dans Ouais. tous les cas, ouais. Je peux choisir. C'est mort. Est-ce que ça peut être dans mon cœur? Tu m'as dit que tu avais une armure, pas possible. Ah ouais, c'est vrai. Ok, bon bah entre les deux yeux, y a pas de problème. Eh bien en fait, au moment où je reçois la flèche, en fait ce que je reçois non seulement en fait l'acier qui me transperce le crâne, mais c'est aussi c'est la haine, c'est ta haine que je ressens quoi à ce moment-là quoi, ta détermination, ta colère quoi, et c'est presque ça qui me tue tout autant que comment tout autant que la flèche. Bah, disons, alors, si je peux me permettre, Ouais. alors en fait, si tu veux, moi je voyais plus ça que, comment dire, c'est pour ça que j'ai gardé ma souffrance en fait, sinon j'aurais gardé que la puissance, Ouais. j'aurais annulé que la puissance. Là, si tu veux, et tout à l'heure je l'ai dit d'ailleurs, c'est que t'es mon frère, bon, j'oubliais les causes de pourquoi on s'est perdu de vue, ainsi que des souvenirs qui fait que normalement les liens du sang sont plus forts grâce aux souvenirs, aux choses vécues. Là, en fait, c'est vraiment, je sais, ça m'a fait souffrir, ça fait souffrir de tirer dessus, mais ma détermination, en fait, j'ai envie d'utiliser ma, donc d'où le jet de puissance, le jet de souffrance, j'ai envie de faire en sorte de te tuer, on va dire pour la bonne cause, quoi, c'est pour arrêter la guerre, pour du moins essayer de déstabiliser grandement le camp adverse et essayer de faire en sorte que cette espèce de d'événements un petit peu apocalyptiques s'arrêtent, cessent. Donc disons que quand je te tue, c'est malheureusement penser de la manière de je te tue, mais c'est une vie pour en sauver des millions d'autres. C'est vraiment ça en fait que je tiens à préciser. C'est pas vraiment de la haine, Ok, d'accord, détermination très bien. oui, mais Ouais, d'accord, voilà. donc c'est ce que je ressens quand je reçois la flèche. Pas de Ouais. problème. Ok, donc moi j'ai fini mon instance, du coup. On va te laisser Scarlett, on va te laisser écrire tes deux phrases et puis après on partira sur ton instance. Je dois rejeter 2 dés ou c'est du coup les dés que j'ai reçus que je Non, dois tu les utiliser? rejettes en fait pour avoir des nouveaux scores quoi. Donc, tu Ok. rejettes d'abord pour la puissance, ensuite pour la souffrance. Bah, j'ai eu 1 et 4, donc folie et corruption, c'est merveilleux. Ah ben, on paye toujours. Ouais, alors la corruption, normalement, c'est le phénomène de contamination biologique qu'il y a dans Millevaux. Bon, je me Alors, suis pas c'est super pas forcément renseignée. facile à caser vu ce qu'on a déjà raconté. Après, ça peut être interprété comme par exemple quelque Ben, chose de il psychosomatique. y a le terme de la souillure, donc je peux me sentir Ouais. salie de t'avoir tué. Par exemple, oui, tout à fait. Et pour la folie, je vais avoir un excès de lucidité sur le fait que je viens de tuer mon frère. Ok, impeccable. Alors, donc, ma puissance, ça va être que je viens de me rendre compte que j'ai commis un fratricide. Voilà. Fratricide, pardon. Et l'autre, j'avais dit, oui, je me sens souillée de cette. Attends, comment je pourrais faire? Parce que je sais que c'est important la formulation de phrase. Je me sens souillée. Parce qu'en fait, là, du coup, comme je les formule, ça me fait plus des handicaps que des avantages en soi. Ça peut s'utiliser Ouais, bon, de toute dans les façon, deux après, sens. par la suite, ce sera utilisé de façon un peu indifférenciée. Mais c'est vrai que la première, je pensais que c'était une souffrance et une puissance. Et là, finalement, comme tu la formules un peu comme une souffrance, c'est vrai. Bon, faut pas trop te prendre la tête, hein. Des fois, c'est peut-être important de d'écrire les choses comme elles viennent. Ça reste une phrase qui raconte ta. Tu peux dire, par exemple, le fratricide était un prix à payer, quoi. Était le prix nécessaire à payer. Là, on est déjà plus dans la Ouais, puissance. d'accord. Alors du coup, on va faire ça sera plus simple. Et du coup, je me sens souillée de cette perte. Voilà. Impeccable. Donc du coup c'est ton instance. Je vois le chrono. Là grosso modo il nous reste 1 heure de jeu. À peu près, ouais. Éventuellement, si tu veux, c'est pas obligé, mais on peut faire ton instance dans le passé. Peut-être qu'à la limite on a fait 3 instances dans le présent. Peut-être qu'on peut faire 3 instances dans le passé. Ouais, carrément. Du coup, ça nous permettrait de visualiser un petit peu plus le contexte de l'histoire. Enfin, pour ma part, ça me tente. Après, je sais pas, Alex, si Ok. ça te tente Oui. aussi. Très bien. Donc, on t'écoute. Je me rappelle, je me, en fait, au moment où je te tue, j'ai un flash, une scène en fait qui est en train de se passer devant mes yeux. La bataille disparaît. L'herbe est à nouveau dressée, elle n'est plus couverte de sang, elle n'est plus tassée par les corps environnants. Il n'y a plus de cris de guerre, il n'y a plus d'acier contre acier. Il y a un environnement beaucoup plus sain, des oiseaux qui chantent, une petite maison au loin. Modeste, mais pas non plus en décrépitude. Ce sent quelque chose de très chaleureux, de familial, de sain, de serein. Et je me rappelle soudain que cette maison, c'est là où j'ai grandi. Et je me vois enfant en train de, avec un couteau fabriqué avec une lame de silex, en train de d'enlever la peau, en train d'enlever l'écorce d'une branche de bois souple. Il y a un homme derrière moi, un peu plus vieux, pardon, que moi. Il a à peu près une vingtaine d'années. Il se penche à côté de moi, me tient l'épaule. Et je vois la scène de très loin, mais en même temps, je ressens le manche du couteau entre mes mains, je vois les écorces qui tombent par terre, je sens la main sur mon épaule, je sens le souffle chaud dans mon cou, je ressens le lien du sang vraiment qui nous lie. C'était tout simplement toi, mon frère, qui était en train de me dire dans l'oreille que je m'y prenais mal. Je sens dans le présent que je suis en train de pleurer. car je me rappelle que c'est toi qui m'as appris à tirer à l'arc à l'époque, que nous avons passé de longs moments à chasser, au départ en tirant sur des troncs au hasard, ainsi que sur des jouets que père nous fabriquait. Et ensuite, au fur et à mesure que je grandis et que du coup j'excelle de plus en plus dans l'archerie, nous en venons à faire des chasses à courre, mais vraiment en petit comité avec des amis, car nous ne sommes pas non plus des nobles, mais nous avons une situation plutôt moyenne qui nous permet du coup d'avoir une façon de vivre assez modeste, mais bien tout de même. Donc je nous revois, du coup je fais une rapide évolution comme une cassette qui a avancé sur avance rapide. Je me vois donc cet instant précis où tu m'as aidé à concevoir mon premier arc, et ensuite les autres fois où nous avons commencé à chasser au fur et à mesure. Je me rappelle vraiment des liens qui nous liaient. Nous étions très très proches, et ensuite ma mémoire s'arrête. Et je reviens brusquement dans le présent. Je suis toujours au-dessus de la bataille. Celle-ci s'est plus ou moins arrêtée. Je vois tes hommes en train de te tirer à travers la bataille, d'essayer de leur corps de faire bouclier pour t'emmener dans leur camp pour essayer de te soigner. Je me sens glacée, je me sens triste, j'ai honte de moi. Je sais que malgré tout, ceci va avoir un impact énorme au sein de la guerre qui fait rage à mes pieds, mais je me demande si c'était vraiment une bonne chose d'avoir fait tout ce chemin. En sachant que cet art que tu m'as appris a servi à te tuer. Voilà. Y a le micro de Thomas qui est coupé, c'est pour ça. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Oui, pardon, il y a deux façons de poursuivre. Soit en fait tu clôtures l'instance sans conflit, tu vois, tu t'es contenté d'esquisser des choses, puis on verra plus tard pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, pourquoi maintenant on est en guerre. Ou alors tu joues un conflit qui pourrait être par exemple. Soit rejouer un conflit dans le présent en disant bah j'essaye maintenant de m'échapper sans être repéré, ou alors à un autre conflit qui peut être je sais pas je veux me rappeler de pourquoi la guerre a éclaté, ça peut être une idée. Je veux surtout me rappeler en fait de ce qui nous a séparés, je pense. Ouais, donc tu voudrais jouer un conflit là-dessus ou tu peux le faire sans conflit hein, c'est à voir quoi. C'est pas vraiment un conflit, c'est que comment dire? Pour l'instant, au vu de la réussite que j'ai faite, je ne pense pas que j'ai pu me faire repérer, sinon je me suis trompée. Sinon, là, je suis plus en état de choc sur ma petite branche, en train de te voir partir à travers la bataille avec tes chevaliers qui tentent de protéger malgré que tu sois mort. Je pense que j'ai plus un conflit sur essayer de me dire, pour essayer de panser mes souffrances et ma blessure, de me rappeler tous les bons moments qu'on a passés ensemble, et surtout de savoir, de retrouver pourquoi on a été séparés. Ce qui pourrait justement amener le fait de pourquoi la guerre s'est déclarée aussi. Alors, je te propose un objectif. Après, c'est toi le chef, c'est ton instance. Tu peux trouver autre chose. Ça peut être, par exemple, de dire, bon, ok, le conflit permettra de savoir la cause de la guerre ou au moins pourquoi à un moment ou à un autre on s'est disputé, quoi. Au moins ça, quoi. Mais en fait, si tu gagnes le conflit, ce sera pas ta faute. Tu seras pas fautif dans l'histoire. Et si tu perds le conflit, en fait, ce sera lié à une faute de ta part. Bah Ça, ouais, alors pourquoi pas. ça peut être autre chose, hein. C'est une idée comme ça, il y a peut-être mieux à faire, hein. Non, ça c'est quelque chose que je trouve assez raccord avec ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Ok. Bon, sachant que si tu fais ça, je pense que je te provoquerai en duel dans l'idée de dans l'idée que ce sera en fait ton personnage qui aura sinon provoqué la guerre, au moins provoqué la dispute entre nous deux, quoi. D'accord. Je propose de le faire en Alors, voilà ce que je propose. Je propose un contexte au moins à la dispute. T'avais raconté une partie de chasse. Je propose que ce soit le contexte en fait. On est en train de faire une partie de chasse. On chasse un, je sais pas, un grand cerf, un animal majestueux. Alors je sais, moi en tout cas je suis à cheval. Toi de voir si t'es à cheval ou à pied. Et en fait, j'ai à peu près 25 ans. Et j'ai en fait sur mes genoux en fait, donc on est à cheval et sur mes genoux il y a Nima. D'accord. Je pensais m'inclure de toute façon avec une scène dans la prochaine instance, dans mon instance. Ouais, donc là t'as peut-être 4-5 ans, ça te va? Voilà, 15-50 ans, c'est ce que j'avais prévu à peu près, oui. Moi, j'avais prévu une quinzaine d'années à peu près. Et pour comment? Alors, juste, Nima, je te propose une piste hein, pour ta naissance. C'est-à-dire que quand t'es né, t'es né donc de basse extraction, en fait, et ta mère était de basse extraction. Et comment, je t'ai reconnu, en fait, comme étant le père. Sachant que ça a plutôt fait jaser, parce que moi j'étais de petit 1, j'étais déjà marié, puis de petit 2, j'étais pas censé avoir un enfant bah, d'une mère inférieure à mon rang, quoi. Et n'empêche que j'ai été reconnu et j'ai affronté la colère des gens de ma famille à ce sujet. En fait, la scène est un peu tendue, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de membres de notre famille qui sont là. Il y a notamment notre mère, à nous deux. C'est la femme, la vieille femme qu'on a vue au début auprès du charnier, qui a dit qu'au final on était tous frères dans la mort. Et donc elle chevauche derrière nous, elle a mis tous ses bijoux en fait. Et c'est clairement la matriarche hein, de la famille quoi. C'est plutôt elle qui a le dernier mot. Et là, elle a vraiment le visage de la colère, quoi. Elle desserre pas les dents. Et clairement, en fait, la nouvelle est très fraîche. Hein, le fait que je t'ai reconnu, c'est très frais. Et on voit bien que l'orage gronde, quoi. Alors ça présage pas de l'état d'esprit de ton état d'esprit à toi, hein, l'archer. Mais en tout cas, je peux juste te dire que notre mère, à nous deux, elle est plutôt énervée, quoi. Ok. Et donc, alors, comment on amène le conflit? Est-ce qu'on n'en dit pas plus et on jette les dés, ça va un peu nous dire ce qui se passe? Ou est-ce qu'on poursuit? Ou est-ce qu'on se parle là, dans le flashback? Moi, je techniquement, à l'heure actuelle, je suis extrêmement heureuse. J'ai une très jolie robe qui fait de moi vraiment une petite fille superbe que tout le monde adule d'une certaine manière. J'ai de longs cheveux roux magnifiques qui n'ont rien à voir évidemment avec les caractéristiques physiques des gens de la famille, ce qui évidemment fait encore plus grincer des dents. Mais moi, je suis heureuse, je suis sur un cheval, je suis avec toi et voilà, j'ai l'impression, voilà, d'avoir justement une famille, d'être aimé, qu'il y a une personne, comment dire, que j'admire énormément, qui a de l'intérêt pour moi et qui me fait partager ces choses. Et voilà, moi, je ressens juste, on va dire, un grand sentiment de bonheur, même si, on va dire, ma mère a d'une certaine manière disparu. Je ne sais pas si elle est morte ou si tu l'as remplacée d'une certaine manière, et donc. Je vis vraiment une vie de petite fille, tout à fait choyée, gâtée. Tu me couvres de cadeaux. J'ai des poupées magnifiques, des robes tout aussi superbes. Et je ne ressens presque pas la haine, on va dire, des autres gens de la famille, tellement tu m'en protèges d'une certaine manière. Voilà, Alors, quel est mon état d'esprit, en tout voilà, cas ce que tu ne sais actuellement. pas, c'est que moi, par contre, je la ressens en fait. Je la ressens bah, à cause de mon Ah empathie bah oui, naturelle. justement. Je la ressens vraiment quoi. Et des fois, tu vois, je te serre dans mes bras et malgré tout, tu sens que je suis crispé quoi. Parce que Et quelle est la ça me perce le dos comme des aiguilles quoi. quelle est l'attitude de mon oncle justement envers moi? Assez perplexe. Je savais, j'avais entendu. Enfin, Bon, on sait, rien n'a prouvé que j'étais le vrai père. Je l'ai reconnu, après, Oui, on mais n'en sait disons pas que je plus. t'avais entendu plus ou moins. Enfin, tu m'avais vu qu'on a toujours, on avait toujours été plus ou moins proches. Tu m'avais fait part d'une amourette avec une femme qui était vraiment, en effet, qui n'était pas de celle duquel j'étais habituée, avec qui je pouvais devoir te pavaner. Disons que je suis perplexe, je suis un petit peu dans la neutralité. C'était peut-être même d'ailleurs une prostituée qui avait l'habitude de suivre les armées, comme il en existait tant d'ailleurs. Ouais, D'où une histoire de passage. c'est des temps de paix relative, mais c'est vrai quand même, il y a quand même souvent de temps en temps des passes d'armes, et puis on a défini qu'on était tous les deux des guerriers déjà à cet âge-là, quoi, effectivement. Ouais. Du coup, ouais, je suis un petit peu perplexe. Par contre, tu peux ressentir que je suis extrêmement fière de toi quant à avoir eu le courage de tenir tête à notre mère, alors que tu savais que c'était un peu un genre de cerbère. Là, je suis fière de toi, mais je suis perplexe quant à cet enfant. Je n'ai pas d'animosité envers elle, tu peux le sentir. Je suis plus dans la curiosité et dans l'attente de voir ce qu'elle pourrait devenir, plus que dans la colère ou le rejet. Parce que là, est-ce que tu es en mesure de partager des choses aussi avec moi? Parce que je vais chercher évidemment l'amour des gens qui ne me veulent pas de mal d'une certaine manière, et donc m'apprendre peut-être à tirer à l'arc, Je serais pas m'apprendre à chasser expansif. en forêt. Je serais peut-être pas expansif. Je serais. Tu sais que je serais peut-être une personne qui on dira, qui dira peu de choses, qui n'essaiera pas de parler avec toi, mais je ne serai pas agressif envers toi si tu as besoin de. Je sais pas si à un moment tu as besoin d'attraper quelque chose qui était trop haut pour toi, tu me l'aurais demandé, je l'aurais volontairement fait, ça ne m'aurait pas dérangé. J'aurais dit mon prénom, je me serais mis à ta hauteur. J'aurais demandé le tien, j'aurais fait des remarques sur tes cheveux, mais ce n'aurait pas été non plus de la bienveillance, ça aurait été vraiment de la curiosité. Mais Et d'ailleurs, comment je je t'appelle? t'observe, Virgile. Virgile. Je t'observe plus que je n'essaye de te connaître ou de te comprendre. C'est vraiment de la curiosité, quoi. Là, je suis perplexe quant au fait de qu'est-ce qu'on va faire d'elle dans l'état actuel des choses, Pour l'instant, je etc. n'ai que 5 ans, donc de toute façon, je n'ai, on va dire, en termes stratégiques, politiques, je n'ai pas vraiment Ah non, d'intérêt. pas stratégique, c'est comment on va arriver à t'offrir une éducation et une vie stable au vu de ton départ dans la vie, quoi. C'est ça surtout la question que je me pose, c'est comment on va faire? Alors, il y a un petit détail que je voulais préciser. Alors, attention. Sur la, comment, attache, sur le cheval, en fait, le cheval de notre mère, c'est un, comment, sur la selle, en fait, il y a une bannière qui est attachée, une bannière qui claque au vent. Et en l'occurrence, la bannière, c'est un grand arbre aux feuilles rouges, avec des racines qui perlent des gouttes de sang, attachées à deux petits arbres. D'accord. Ah là, ils sont attachés. Enfin, attaché, non, c'est le même étendard qu'on a vu tout Oui, à l'heure. d'accord. C'est Parce que exactement le tout même. à l'heure, ils me rappelaient pas que les personnes Ils étaient étaient attachées. attachés, je veux dire, c'est-à-dire qu'ils étaient liés, ils étaient liés au grand arbre par les racines, quoi. Les racines étaient nouées ensemble, quoi. Ok. C'est le même, ouais, il n'y a pas de modification du dessin. Alors là, si tu veux, Scarlett, j'ai une idée de scène qui pourrait un peu, alors, comment, qui pourrait un peu amener justement de la tension entre nous deux. Dis toujours. C'est-à-dire que il est possible qu'à ce moment-là, il y a un cerf qui est rabattu en fait par les comment mal rabattu par les gens qui sont passés en avant avec les chiens et en fait qui fonce droit sur nous. Un cerf immense quoi, avec des bois qui sont vraiment pour le coup comme des branches d'arbres, c'est-à-dire que qui sont irréguliers, noueux, et en fait il fonce sur mon comment Sur il ton fonce cheval. sur mon cheval et il me renverse en fait moi et Nima. Je me retrouve comment la jambe coincée sous le cheval, donc je peux pas. Alors, par contre, j'ai pas précisé, mais moi je suis à pied. Ouais, je pense pas que ça pose de problème. En termes d'allure, je suis Ouais, loin mais en derrière fait, vous, quoi. non, parce qu'on était au pas, quoi. Ok, d'accord. Et le. En fait, le. Comment? Le cerf revient, il est vraiment en colère. En fait, on voit, il y a du sang. En fait, il y a du sang du cheval, puis des chiens sur ces bois. Hein. C'est vraiment un cerf ultra costaud. Hein. Il a, comme avaient les cervidés à l'époque préhistorique, il a des canines qui dépassent, quoi. Donc, c'est presque un prédateur, quoi. Est-ce que c'est Et habitué, non? en fait, il revient. Donc, il fait demi-tour, il revient vers moi. Et en fait, comment? Sur son passage, il y a Nima. Et tu vois, qui est tombé et tout, moi je peux rien faire. Et effectivement, t'es le dernier espoir. C'est-à-dire que si tu tues pas le cerf, Nima va être écrasé, Piétiner. quoi. Piétiné, quoi. Mais si la Diane qu'elle meurt dans le passé, comment elle peut avoir vécu ensuite dans le futur? Alors, du coup, je pense qu'il faut qu'on fasse un conflit où elle peut pas mourir. C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire qu'elle est sauvée, mais pas par toi, par exemple. Ou que j'en sors, comment dire, avec une blessure. Ouais. Mais effectivement, on peut pas la faire mourir dans ce conflit. Bah écoute, Et oui, je alors, me attends, mets. avant que tu fasses que tu réagisses, en fait, il y a notre mère qui te parle par l'égrégore, en fait. Elle avait déjà aussi ce lien empathique, comme moi, peut-être pas, on sait pas si c'est aussi développé. En fait, elle te parle quasiment à travers ton sang, quoi. Et elle te dit, ne fais rien. En fait, elle, tu vois, ça l'arrange. Évidemment. Sinon, c'est bon, en fait, ce sera l'histoire ancienne, quoi. Moi, je Je reste. préfère. Je préviens tout de suite, j'ai une fanfare en bas de chez moi qui va passer. C'est la totale. Je risque de couper mon micro pour vous épargner le bruit de la cavalerie dehors, donc ne vous inquiétez pas. Moi, je Tant pis. reste complètement terrifié, apeuré. J'essaye désespérément de me retirer justement de la route du cerf qui risque de me piétiner. Je pousse des hurlements, mais j'arrive pas à me dépêtrer des fourrés, comment dire, dans lesquels je suis tombé. Moi, je vais me retourner vers notre mère. Je vais froncer les sourcils et je vais avoir quand même un temps d'hésitation parce que je sais, j'aurai à cœur d'arrêter les conflits familiaux, mais en même temps laisser mourir une enfant qui n'a pas demandé à venir au monde et que tu as reconnu, c'est que elle a une raison de vivre et un destin particulier. Ok. Et sitôt que tu fais ça, si j'ai bien compris, tu refais volte-face pour tirer sur le cerf. Bah non, j'aurais bien voulu faire un conflit pour savoir du coup si je résiste ou pas à l'égrégore de notre mère. Ouais. Alors attends, si on me proposait un objectif. Ouais. Eh bien, effectivement, on peut dire si tu gagnes le conflit, tu résistes à l'égrégore de ta mère et tu arrives à tuer le cerf juste à temps. C'est Ça te ça, va comme c'est objectif. ça. Ouais. Et du coup, contre-objectif, on va dire que ce n'est pas toi. Tu résistes pas à l'égrégore et ce n'est pas toi qui sauves Nima. On sait que Nima sera sauvée puisqu'elle est vivante après quoi. On sait pas dans quel état, mais toujours est-il que ce sera pas grâce à toi quoi. Ok, ça me va. Impeccable. Qu'est-ce que je vais utiliser comme phrase? Ça va être complexe. Alors, je peux potentiellement utiliser le fait de calculer la trajectoire parfaite de ma flèche pour atteindre ma cible en omettant les liens du sang, mais du coup, ce qui est Tout à fait. complexe. Alors, avant que tu poses d'autres dés, on séquence un petit peu. Je vais m'opposer à toi. C'est-à-dire que. Bah, tu pourrais m'aider plutôt, Non, mais justement. ouais, mais en fait, je trouve ça plus intéressant d'apporter une opposition. C'est-à-dire que. À ce moment-là, en fait, ma mère aussi arrive à me manipuler. Et en fait, comment, je suis tétanisé en fait par sa puissance et je n'arrive à rien à dire quoi. Je crie pas en fait, je crie pas au secours, je crie pas pour appeler Nima, je crie pas pour te dire de tirer. Voilà, je suis tétanisé et en fait soumis quoi. Et du coup, je suis bah, pour le coup, je suis dans le camp adverse. Je rebondirai là-dessus, hein. Ouais, tout à fait. Et du coup, moi, je vais mettre comme phrase lien empathique. Je mets le pouvoir. En fait, là, ça s'est retourné contre moi, quoi. Donc, il y a un dé contre un dé dans mon camp. Du coup, on retourne sur toi, Scarlett. Soit tu rajoutes une phrase, soit c'est Nima qui peut t'aider, si elle veut. Bah, moi, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en Virgile, donc c'est clair que je veux l'aider, mais j'ai pas l'impression que j'ai des moyens pour l'aider, Bah, tu malheureusement. peux provoquer la peur ou tu Euh, peux est-ce que j'ai dans le pouvoir dans le passé? C'est ça le problème. Là, avec ouais le tout pouvoir à de fait l'égrégore, c'est possible. Ouais Euh, ça se donc trouve en fait provoquer la ça se trouve peur dans toi le cerf, oui, pour l'aider, oui. c'est soit c'est l'anima du futur qui est enfermé dans le charnier et qui repense à ce flashback enfin, qui se concentre en fait pour que le pire n'arrive pas Oui. peut-être en se disant que peut-être Changer même ça les pourrait événements. changer le passé quoi peut-être. Ou alors c'est effectivement ce pouvoir Nima en fait elle l'avait dès le départ quoi. Il était latent d'une certaine manière. Ouais, Il s'est tout à déclenché fait. sous des conditions de stress. Oui, donc je vais l'aider, je vais faire moi peur au cerf pour éviter qu'il ne me piétine, mais ce sera pas forcément suffisant. Il faudra aussi l'abattre pour éviter Ouais. qu'il ne se retourne contre quelqu'un d'autre. Pourquoi pas contre Virgile, qui lui aussi peut-être est en ligne de mire, ou mon propre père, Ouais. qui lui est aussi n'est pas très loin. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, bah oui, moi je suis en plus, je suis sous le cheval, donc. Voilà, et comme dans un état de pétrification, si je puis dire. Ok. Alors, Scarlett? C'est bon, c'est passé. Alors attends, c'est à moi, je vais. Tuk-tuk-tuk. Ouais non comment j'ai pas envie de crever donc je mets qu'un dé en fait moi je surenchère pas dans mon camp Donc du coup, tu aides qui bah, je suis toujours contre vous mais je rajoute pas de dé en plus quoi je suis à un Par seul dé quoi contre, moi, je te donne mon dé de pouvoir. Ok, donc ça me fait 2 dés, c'est ça, plus la phrase que j'utilise. J'essaie de calculer atteindre la trajectoire parfaite de ma flèche pour atteindre ma cible. Moi, je t'ai pas donné de dés, hein, je joue contre toi. Oui, du coup, Est-ce ça que tu fait. rajoutes encore des phrases, toi, Oui, Scarlett? c'est ce que je viens de te dire. Ah, pardon. Mais. Ah, je suis con. Donc, en fait, toi, tu as deux phrases, c'est ça? Non, j'ai le dé de Nima, plus Ouais. j'essaye de calculer la trajectoire parfaite de ma flèche pour atteindre ma cible D'accord. en tentant d'omettre les liens du sang. Et est-ce que tu as d'autres phrases à mettre ou c'est tout? En fait, les autres, non, je peux pas, parce que je me sens souillée de la perte de mon frère, le fratricide était le prix à payer, et je veux tuer quelqu'un avec mes flèches empoisonnées pour tenter de renverser le cours de la bataille, ça n'a pas lieu d'être ici. Ok. Ouais. On pourrait forcer, entre guillemets, hein. C'est toujours possible de Non, rajouter un peu mais de fiction, mais c'est pas ça obligé, me va. Ça effectivement. me va comme ça. Ouais. Ok, Donc bon ça bah me fait 2 deux contre dés, 1. c'est ça? Ouais, donc c'est toi qui jettes 2 dés, effectivement, parce que tu récupères le dé que t'as donné Nima. Enfin, Nima, tu voulais peut-être rajouter ta deuxième phrase? Non, ça, elle s'applique pas non plus, malheureusement, dans la situation. Bon, en tordant, elle pourrait s'appliquer, hein, mais c'est pas, ça vaut Ouais, pas le jeu de là, c'est tordre. un Hein. Ouais. peu. Non, de mon point de vue, c'est pas, on va dire, ça Raccord. s'applique. Ouais, ça roule. Impeccable. Donc ça fait 2 contre 1. Bon, bah je te laisse jeter, Scarlett. 6 et 4. 2 dés de Deux dés de souffrance. souffrance, et moi j'ai une puissance. Ah bah voilà. C'est génial. Alors, Décidément, c'est. comme vous étiez, en fait, d'habitude, on garde quand il y a plusieurs dés de souffrance, là, toi, Scarlett, on en garde qu'un. Mais comme vous étiez deux dans votre camp, tu vas garder les deux, que tu m'auras D'accord. donné, hein, d'ailleurs. Alors, on a déjà établi que effectivement tu ne vas pas tirer, puisque effectivement ta souffrance contre puissance, c'est moi. Alors, ah oui, autant pour moi. Vous pouvez encore twister. C'est-à-dire que Nima, comme tu as investi ton pouvoir, tu peux utiliser ton pouvoir pour dire que soit le 6, soit le 4 sont un sacrifice. C'est toi qui décides. Pour la suite, je pense que ça peut être intéressant. Vu l'idée que j'ai après, que j'aimerais bien développer, je peux en effet investir un sacrifice là-dessus. Ouais. Moi, je pourrais aussi dépenser en fait Parce que je pourrais surenchérir, mais ça j'ai pas envie de sacrifier deux phrases, Comme je donc sais du que j'ai un coup rôle à jouer plus ouais. tard, du moins j'en ai l'intime conviction et qu'on veut essayer de m'empêcher de jouer ce rôle, Ouais. justement, je pense que c'est important là. Ok, De le donc faire. à supposer par exemple que le 6, en fait, donc ton pouvoir transforme en fait un des dés en sacrifice. Par exemple, mettons le 10 devient un sacrifice. Quand Oui. il y a un seul sacrifice dans la main, ça tue les autres dés. Donc en fait, il y a Voilà. juste un dé de sacrifice. Donc en fait, dans votre camp, il y a un dé de sacrifice. Dans mon camp, il y a un dé de puissance. C'est le sacrifice qui prédomine. Donc en fait, Voilà. Tu vas devoir. Donc toi, tu as un dé de sacrifice à donner. Enfin, soit tu le mets pour toi, soit tu le donnes à quelqu'un. Je suis Et prêt à moi, le j'ai prendre. un dé de puissance à donner. J'ai une puissance en 8 religions. Religion, c'est un peu chiant, mais je pense qu'on la fera sans thème. Et donc oui, Scarlett, je suis prêt à prendre le dé de sacrifice, justement. Non, non, auquel cas, moi, j'aurais bien enlevé une de mes phrases duquel je l'ai trop précisée, du coup, j'arrive pas à l'utiliser, donc auquel cas, ça me dérangerait pas. Comme tu veux. C'est juste Je pour pense que ouais, ajouter pas de de souci. l'intensité dramatique Pas de souci, à pas de la chose. souci. Non, je pense que je vais la garder et je vais rayer le fait que je me sente souillée par la perte de mon frère. D'accord. Thomas, qu'en penses-tu? Ouais, du coup, tu rayes ça. Alors, c'est quelqu'un. Nima, du coup, comment on explique le fait que t'es quand même sauvé? Peut-être que j'ai une puissance, on peut peut-être l'expliquer avec la puissance, mais alors c'est une puissance de religion. La foi, je sais pas La foi. moi. Peut-être un miracle d'une certaine manière, en fin de compte, le cerf. Se met sur moi comme pour me protéger justement de ma grand-mère. Bah, il y a d'autres. Éventuellement, comme moi j'ai une puissance, je peux l'utiliser pour expliquer, mais ça va être violent. Peut-être qu'en fait le cerf justement voilà n'était pas une force néfaste en fait et qu'il va essayer de me protéger au contraire, alors qu'on pensait au départ qu'il allait me m'agresser et qu'il va me permettre de fuir à la limite pour après que je puisse jouer la scène, mon instance. Ouais, ok, ouais, C'est très bien, ouais. possible. Ouais, j'avais une idée, mais j'ai toujours tendance Non, à mais forcer c'est la pas du fiction. tout. Oh Voilà, non, quoi. je préfère que tu fasses ça, ouais, tout à fait, ouais. Ok. Alors, quant à moi, j'ai une. Comment? J'ai une puissance. En fait, mes hommes. Comment? Mes hommes soulèvent mon cheval. Comment je demande quand à ce qu'on me tende à ce qu'on me tende une béquille, quelque chose, quoi. Et en fait je vous regarde tous, enfin toute ma famille, quoi. Bah surtout sur mère, et puis toi Virgile, quoi. Et je fais voyez comment les liens du sang de cette famille ont toujours été si importants, mais ils ne servent qu'à nous détruire et tout. Je ferai en sorte qu'il n'y ait plus jamais aucun lien du sang sur cette terre. Et donc en fait, je m'en vais en claudiquant et en vous maudissant, quoi. Et tu laisses ta gamine toute seule ou... Je me suis enfui, moi. Ah d'accord, tu t'es enfui. Bien. Ouais, Oui. j'arriverai pas à la rattraper, quoi. J'ai senti l'animosité et j'ai été déçu aussi par le fait que d'une certaine manière j'ai vu que tu ne m'aidais pas. Et donc l'intervention, si je puis dire, de ce cerf, voilà, on voulait forcer le destin d'une certaine manière et me faire disparaître. Et en fin de compte, ce cerf m'a d'une certaine manière sauvé. m'a permis de m'enfuir. Et voilà. Et moi, pour l'instant, je suis d'une certaine manière perdu dans la forêt. Ok. Alors, quant à moi, ça m'amène enfin à aussi une partie de mon explication. Il y a une partie en fait de la famille qui est présente. C'est une famille assez assez large, quoi. J'ai des cousins, des cousines, ma grand-mère, et puis un neveu qui me regarde. Et en fait, je vois dans leur visage, puis je sens à travers moi par le lien empathique qui compatissent à mon sort, quoi. Et en fait, ils disent, on te suivra et on fera en sorte de t'aider à ce que ta prophétie s'accomplisse. Les liens du sang ne serviront plus. Comment? Comment? On va t'aider à ce que la force des liens du sang tarisse pour que ce soit plus quelque chose qui rende les hommes fous. Et donc en Oui, mais fait, il y a, enfin, du coup, ce ouais. que je trouve étrange à ça, c'est que justement, ils utilisent les liens du sang pour venir t'aider. Du coup, c'est contre ta prophétie, en soi. Ouais, en fait, le comment? À moins que tu avises ça sur de la loyauté, plutôt. C'est en fait, c'est une espèce de plan à long terme. C'est une pure folie. Hein. C'est pure folie de mon personnage. Hein. Ça n'a aucune logique, à part peut-être espérer que par l'égrégore ça advienne. Mais en fait, au début, quand il propose de m'accompagner, j'ai un moment de recul. Je me dis, bah non, c'est pas logique. Je veux pas qu'il m'aide. Et puis finalement, je les accepte parce que en fait, je me dis que ce sera les premiers hommes de mon armée qui serviront. En fait, je veux que tout que hommes et femmes d'une même famille en fait s'entre-déchirent jusqu'à ce que le concept de famille n'ait plus aucun sens et qu'on oublie et qu'on puisse choisir ses parents, qu'on puisse choisir ses enfants, qu'on puisse choisir ses frères et sœurs et que ce soit plus dicté par les liens du sang parce que pour moi ce que dictent les liens du sang ce n'est que la colère, la jalousie. Et donc, en fait, donc il y a une partie de la famille qui fait sécession avec moi, et ce sera les premiers membres de mon armée qui, en fait, sera une armée fratricide. Ce sera en fait la même famille coupée en deux, quoi, qui s'affrontera jusqu'à la mort en associant à elle d'autres familles jusqu'à ce que toutes les familles de la région soient déchirées en deux par ce conflit, quoi. En tout cas, c'est mon but. L'histoire ne dit pas que c'est ça ce qui va se passer, mais au moment où mon personnage se barre avec les autres, c'est ce qu'il veut faire. D'accord. Ça vous va? Ouais. Du coup, en phrase de puissance, je mets... comment? Je mènerai les familles à s'entre-déchirer pour tarir les liens du sang. Alors pourquoi ces religions? Parce que c'est vraiment un truc prophétique, quoi. Là, il est vu une espèce de messie en armes. Voilà, il s'est investi en fait en tant que Messie d'une certaine manière. Ouais, voilà. C'est grosso modo, il a émis une prophétie quand il a dit en brûlant l'étendard qu'il a crié plus jamais. Il a émis une prophétie comme quoi. Un fratricide permettrait justement de tarir à jamais les liens du sang, les vendettas claniques et toutes les choses qui font que. En fait, il y a une dernière guerre pour les arrêter toutes, quoi. Ça se tient. Volivalou, du coup, là-dessus, on a fini ton instance, Virgile, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, non, du tout. Ok, alors là, je vois l'heure, il est 11h20. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est jouer l'instance de Nima. Ouais, et après faire la résolution du Après, on conflit fera un final. conflit de masse, ouais. Ouais. Donc, Nima, première question. Donc, conflit de masse, hein, pour expliquer à Scarlett et aux auditeurs, un conflit de masse, en fait, c'est une dernière instance où on clôture les arcs narratifs de tout le monde. Et en fait, chacun joue un petit conflit, mais tout seul, sans assistance. Enfin, c'est soit tout seul, soit en duel contre un autre personnage, quoi. Un gros truc qui permet de conclure, quoi. Bah là, ça serait peut-être sûrement une sorte ouais, voilà, de conflit final où les où nos trois protagonistes sont présents, une Ouais. sorte de dernier affrontement à Mmh. la fois émotionnel et physique entre nous trois. Ouais, En alors tout cas, je le voyais comme ça, quoi. Ouais, donc éventuellement considère ton instance Anima, elle va servir à amener ce conflit de masse. Donc notamment si ton instance pouvait te permettre de, par exemple toi de te rapprocher de la zone, ce serait intéressant. Ou Ouais. alors Alors ça, définir après, ton ce instance, ou alors sera. ton instance ça peut être un moment du passé où on est à nouveau Voilà. réunis. Moi, je pensais à un flashback, mais qui aura une répercussion dans le moment présent. Ok. Qui me donnera justement l'intérêt pour arriver jusqu'au moment présent et au conflit. Alors, enfin, je pensais Super. nos trois personnages présents et évidemment ma grand-mère, quoi. Ouais, alors pour Grand-mère. t'aider, comment ça peut, il n'est pas impossible qu'on était à nouveau réunis entre les deux scènes, entre la bataille et la chasse aux cerfs. Oui, Hein. justement, Ou je alors vais ça dire. peut être avant la chasse aux cerfs, comme tu préfères. Non, non, non, c'est après. Ça se passe après. Ok, on Donc, t'écoute. j'ai fui, profitant du cerf qui m'a donné cette opportunité. J'ai compris que même si j'étais aimé d'une certaine manière, l'influence de cette personne, de ma grand-mère, était trop grande sur cette famille pour que je puisse être accepté. J'ai donc préféré fuir, même si je ne ressens pas de haine, on va dire, envers mon père, ni même envers mon oncle Virgile. Je sais que ils ont été manipulés et que ils sont tristement, on va dire, les victimes de cette triste matriarche. J'ai donc erré dans la forêt jusqu'à ce que je me retrouve justement dans une communauté de voyageurs, à la fois des saltimbanques, des mendiants, des petits voleurs qui, au fur et à mesure, vont complètement changer d'objectif, alors que eux, c'était de simples de pauvres hères qui tentaient tant bien que mal de survivre par quelques petits larcins et en réalisant quelques petits spectacles. La guerre que mon frère justement a voulu mettre en place, l'armée qu'il a réunie autour de lui a créé donc évidemment de nombreux conflits, des escarmouches et petit à petit le métier justement d'écorcheur devenait beaucoup plus intéressant. Et c'est ainsi que moi, petite fille perdue dans la forêt, j'ai troqué ma robe pour avoir à manger, ma chevelure pour avoir quelques argent pour pouvoir subsister. Et petit à petit, j'ai gagné la confiance de ces personnes en moi-même devenant une voleuse, en fait, en devenant une écorcheuse sur les champs de bataille. Et c'est justement au moment où, alors que j'étais sur un de ces champs de bataille, lors d'une des premières batailles que justement mon père a livré, mais je ne savais pas que d'une certaine manière c'était lui, parce que j'avais déjà à cette époque-là tout oublié. La seule mémoire que j'avais, c'était la mémoire du clan qui m'avait accepté. Une mémoire qui, comme elle est, on va dire, c'est une mémoire au jour le jour. Donc celle-là, je ne la perdais pas. J'avais toujours des liens forts avec eux. Je savais que tant que je respectais les lois du clan, tant que je faisais, que je remplissais mon rôle, ils me garderaient, j'aurais à manger, je serais protégé. Et là, je me retrouvais donc de nouveau sur un champ de bataille. Et j'imagine une scène importante qui me revient au moment même où donc ma vie redéfile devant mes yeux, alors que je suis au fond de ce trou, complètement brûlé, en train de mourir, du moins je le pense. Je revois celui qui était mon père, mais que je ne savais pas qui était mon père, rendre visite secrètement durant une bataille à une femme, justement. Qui, elle, est une prostituée parmi ces nombreuses caravanes qui suivent justement les troupes ennemies ou les troupes alliées. Et il y a des gens qui vendent évidemment de la nourriture pour les soldats, des gens qui vendent de l'équipement et également évidemment des femmes qui vendent leur charme. Et parmi celles-ci, je vois donc cet homme comprend être malgré tout le chef de l'armée, qui secrètement rend visite à une femme magnifique qui est en fait moi, mais évidemment avec une vingtaine d'années de plus, une jeune femme adulte à la peau d'albâtre, presque transparente, avec les mêmes yeux bleus profonds et une chevelure rousse qu'elle entretient évidemment avec beaucoup de délicatesse et d'attention. Attends, tu sais que t'es un salope. Il lui rend donc visite une nuit, mais malheureusement, il a été suivi. Et alors que ils ont peut-être longtemps été ensemble pendant cette nuit... Attends, je t'interromps. Oui. Je t'interromps quand même, parce que là, on parle de mon personnage, si j'ai bien compris. Oui. Oui, hein, donc peut-être que j'ai dans mon mot à dire, parce que... Ah ben, moi, je ne savais pas exactement. Justement, j'avais des doutes sur ce qui s'était passé entre vous. Vous n'avez fait que discuter, ou c'est peut-être passé autre chose, personne ne le sait. Ah, ok. Je n'ai pas... Justement, mais si tu veux intervenir et peut-être préciser à la limite ce qui s'est passé cette nuit-là... Ouais, je pense que c'est plus intéressant, quoi. Après, j'ai une idée, comment dire... Parce que malheureusement, il était suivi. Ok. Là, je suppose que quand tu dis que je suis suivi, c'est peut-être pour tendre une perche. Ah, mm-hmm. J'imagine. Mm-hmm. Je sais pas ce que t'en penses, Scarlett. Est-ce que c'est toi qui nous suis, en fait ? Oui. D'accord. Peut-être d'ailleurs qu'à cette époque, tu as complètement également oublié mon existence. Déjà. Possible, ouais. Ouais. Et Virgile de la même manière, sauf que voilà. Pourquoi alors... est-ce que mon père, puisque je ne sais plus que c'est mon père, mais c'est mon père, ouais. Va rendre visite à cette prostituée qui me ressemble presque comme deux gouttes d'eau. Alors moi, j'explique en fait. Je vais t'expliquer ce que je fais chez les prostituées. En fait, pour mener une guerre fratricide, c'est pas évident. C'est-à-dire que moi, je veux que toutes les familles de la région soient entre-déchirées et réparties dans deux camps ennemis. Et donc, ce que je fais, par exemple, c'est que je fais des rafles dans des villages ennemis. Et j'embarque des jeunes gens. Et puis, je les endoctrine dans mon camp. Pour que, du coup, ils se retrouvent à affronter leurs anciens frères et sœurs. Mmh. Ce que je fais aussi... C'est que effectivement, je vais voir des prostituées ou des femmes, enfin des deux camps, et dans l'idée où j'essaye de, moi je sais que la guerre elle durera peut-être plusieurs décennies quoi, et donc j'ai un plan à long terme, c'est-à-dire que je fais des enfants dans les deux camps quoi. Tiens d'ailleurs, ouais, en fait, je pense, c'est d'accord. Il y a un homme de l'armée, peut-être masqué, mais en fait, il t'a payé en avance et il t'a dit, cet homme-là, il vient pas juste pour faire l'amour. Mm-hmm. Il veut te faire un enfant, donc on te payera beaucoup plus cher que d'habitude si tu prends tes précautions pour avoir un enfant de lui, quoi. Mm-hmm. Et si tu nous trompes, c'est-à-dire si tu as un enfant né mais qu'il n'est pas de lui, on le saura. On a les moyens de le savoir, donc c'est-à-dire qu'ils t'ont demandé de pas avoir de pas commercer de tes charmes en fait les jours précédents quoi, et de ne pas le faire non plus le jour d'après, sachant qu'ils t'ont versé une confortable avance. Donc je veux pas t'imposer d'être d'accord, mais disons que vu l'avance qu'on t'a servi, t'es au moins dit que t'allais voir avec la personne en direct, quoi. Mmh. À savoir que évidemment cette personne c'est ma mère, hein, dans mon esprit. Ah merde, attends, ah oui, on est dans le passé alors. Oui, on est dans le passé. C'est ça que je capte pas là, on est. Alors moi, tu sais ce que j'ai compris. Mmh. J'ai cru que c'était toi un petit peu avant la bataille. Ah, t'es sur le délire de taper ta propre fille, quoi. C'est... Non, j'ai... Ah, merde. Non, là, c'est bien sa mère, il l'a dit au départ, hein, plusieurs fois, d'ailleurs, avec le son qu'il a mis à la décrire. Et elle est beaucoup plus âgée que moi, à l'époque. Ouais. Ça, cette scène s'est passée peut-être un an avant la bataille finale, d'aujourd'hui. Attends, la scène que tu décris, elle se passe un an avant la bataille finale. Non, ta mère, Oui, elle est c'est-à-dire morte quand t'es né. quelques années après, comment dire, que justement j'ai disparu. Ce qui Et, correspond. mais alors, ta mère, quel âge elle peut avoir? Tu dis qu'elle a 20 ans, c'est pas possible. Puis Oh bah si. en plus c'était prévu qu'elle était morte. Bah justement, j'allais expliquer Non, comment elle est on morte. n'a pas trop parlé. Ah, attends. Parce que moi j'ai compris qu'elle était morte en Ah. couche, quoi. Enfin, et que en gros. Oh, je sais pas si tu l'as dit. Je crois Non, qu'elle j'avais dit qu'elle avait disparaît. disparu et qu'on savait pas ce qu'il était advenu d'elle. Ah, d'accord. Voilà. Et donc justement, c'est pour ça que j'avais prévu une scène pour expliquer ce qui est rattaché, comment dire, pourquoi ce qui lui était arrivé en fait. Donc en Ouais, mais fait, du coup, tu veux faire en sorte que Thomas re-rencontre ta mère un an avant la bataille finale, Voilà. celle qu'on a fait en Ouais, ok. premier. C'est tout Bon, à alors fait ça. juste C'est pour vrai la que j'ai jolie pas carte, précisé, mais ouais, bon, je voulais que par le récit, on va dire, ça finisse par se mettre en place petit à petit, sans préciser exactement Ah, les. ok, ouais. Désolé, j'ai. Ah oh non, c'est con, mais j'aurais trouvé ça vachement plus trippant que ce soit ton perso plutôt que ta mère, mais c'est pas grave. Non, Je mais vais parce que ça me utiliser donne ta une mère. raison aussi d'agir après. Ouais, ok, ça roule. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Donc tu vas voir en fait une personne que peut-être tu connais, et Ouais, connais d'ailleurs bibliquement, tout à fait, ouais. mais qui est totalement dans ton idée. En effet, c'est une personne qui peut peut-être justement contre-monnaie Ouais, selon ouais. plante. Bon, je sais pas quel âge elle peut avoir, elle a peut-être plutôt 30 ans, mais c'est pas Ah là, grave. maintenant, elle a plutôt 30 ans. Oui, non, mais j'ai Ouais, pas dit ouais. quel âge elle avait exactement. Ouais, ok. Bon, très très bien. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Bon, bah, c'est très bien. On va rien changer par rapport à ce que j'ai dit. Hein, puisque, effectivement, j'ai dit qu'il payait des prostituées pour leur faire des enfants. Ou pour déstabiliser le camp ennemi aussi, hein. C'est tout à fait possible. Bah, j'aime bien l'idée, enfin, je vais rester sur mon idée en fait. C'est-à-dire que Oui. je t'ai payé, en fait, voilà, je t'ai payé pour te rencontrer, pour te faire un enfant. Je sais pas. Et donc, effectivement, j'arrive dans une roulotte, c'est ça? J'arrive Dans dans une ta roulotte. roulotte. Donc, on voit, en fait, je rentre dans la roulotte. Je suis pas, j'ai juste une petite armure de cuir parce que je méfie toujours des tentatives d'assassinat. Quand je rentre dans un endroit, je vérifie que c'est safe avant, quoi. T'es venu tout seul ou t'es venu quand même avec des hommes d'armes? Y a, en fait, j'essaie d'être discret, donc il y a juste un ou deux hommes d'armes incognito qui sont dehors dans la roulotte avec toi et moi. Enfin, du moins à ma connaissance. Je vois, donc j'ai juste une armure de cuir et un couteau. Ah tiens, juste pour rigoler, je suis pas encore borgne. Et donc je te vois et je sais pas si Là, je te il reconnais. s'agit de ma mère. Moi, je Ouais. suis caché, je suis témoin de la scène. Ouais, tout à fait. Je te laisse. T'es d'accord pour. Je te laisse jouer ta mère, ça te dérange pas? Pas de problème. Ok. Non, en fait, non seulement je te reconnais pas, mais en plus. J'ai une question, alors, juste Ouais, avant que tu fasses attends, ça. ouais, vas-y, Scarlett. Le truc, c'est que tu la reconnaisses pas peut-être, mais tu peux très bien dire de la reconnaître malgré tout, du fait que tu ressens dans la pièce Ouais, les émotions d'une personne. Tu peux la reconnaître grâce à ça. Tu peux dire, ben, on a un ouais. lien de sang tous les deux, mais je pourrais pas définir lequel. Dans la Ouais. mesure où je suis proche, c'est peut-être moi dont il ressent les émotions. Bah oui, Ouais. justement, ouais. C'est Parce que moi, en la voyant, je comprends intuitivement. Même si Ok. j'en ai pas la mémoire de ma mère, je comprends intuitivement qu'il y a quelque chose, qu'il y a un lien. Ouais. Donc moi je sais pas en fait. C'est vrai que je ressens des émotions, je sais pas d'où elles viennent. Je sais juste que c'est des émotions féminines, mais c'est trop vague. C'est très violent quand j'arrive parce qu'en plus, effectivement, clairement là, bah en fait, c'est pour moi c'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Bon, même si effectivement, je pense qu'elle a, Elle a déjà elle a vécu pas sa été vie. épargnée par la vie quoi. Mais du moins c'est pas tellement son apparence. C'est Bah, pour cette toi, femme en qu'elle fait, en est. plus, tu vas la voir en fait pour réaliser ton plan. C'est qu'un outil, on va dire, dans ta guerre. Ouais. Au début, c'est qu'un outil. Mais Mais dès là, que je rentre dans la t'as un doute, roulotte, moment de doute. dès que je rentre dans la roulotte, je sens une connexion. Quand je me dis, j'ai l'impression d'avoir des. Tu l'as Ouais, aimé, je sais. peut-être, tout simplement. Ouais, je dis, j'ai l'impression de vous avoir aimé dans une vie. Je dis cash. J'ai l'impression d'avoir été amoureux de vous dans une vie antérieure. Je comprends pas, je ressens ce que vous ressentez. Alors du coup, faut que tu me dises quelles émotions je capte. De sa part, rien. Elle est blasée, quoi. Elle a été détruite par la vie, donc pour elle, ce n'est qu'un homme parmi les autres. Elle se souvient peut-être même plus qu'elle a eu une enfant de toi. Donc c'est elle est par contre complètement effondrée, quoi. Elle ne vit plus qu'au jour le jour, en pensant juste au lendemain et à avoir suffisamment pour faire subsister elle et ses plus proches qu'elle considère comme ses sœurs. Et qu'elle protège beaucoup, puisque c'est la plus ancienne parmi, on va dire, sa communauté, on va dire, de filles de joie et légères. Et du coup, tu tentes quand même de la payer pour réaliser la mission que tu voulais lui faire exécuter. Où tu as un moment d'excitation et tu peux plus et tu finis par t'en aller. En Car fait, elle, il n'y a pas de répondant. Et donc tu sens que les émotions, elles viennent pas d'elle. Enfin, ouais, tout à fait, ouais. Du coup, ça m'énerve. Je te plaque contre le mur de ta roulotte. Je me mets à hurler. Et je fais, tais-toi! Mais tais-toi! Et ouais, Je je n'ai rien clairement, dit. je ouais. Bah si, tu t'es mis. Mais Si j'ai t'as. quasiment rien dit, quoi, en fait. Tu n'as rien dit du tout, même. Hein. C'est juste des ressentis. Voilà. Mais enfin, c'est un C'est-à-dire, rêve. je crois que t'as hurlé et t'as pas hurlé. Si, si, j'ai bien hurlé. Ouais. Mais donc, c'est après. Et donc, là, du coup, là, c'est Nima qui va justement approcher pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de la roulotte. Et donc, ça dégénère en pugilat. Parce qu'elle, évidemment, ma mère essaye de se débattre tout en Ouais. continuant à hurler pour essayer d'appeler quelqu'un à l'aide. Elle Et va donc toi, peut-être. tu me sautes dessus. Non, non, je me défends juste, j'essaye de te repousser. Ouais, Et ok, après, s'il le ouais. faut, je vais te menacer avec un couteau en te disant de ne pas m'approcher. Est-ce que tu interviens d'une façon neutre, Virgile? Non, là, je suis dans la neutralité. D'accord. Ouais. Donc ce n'est pas toi l'espion qui était sur ses talons pour le Ouais, surveiller. ouais, En fait, ouais. je vous avouerai que j'ai eu vraiment du mal à vous suivre dans votre narration. Du coup, j'avais pas réellement compris ça. Moi, j'avais compris que je vous suivais, mais pas de manière physique. Ah d'accord, ouais. J'ai pas compris ça du tout. Donc au final, je préfère rester dans la neutralité pour cette Ouais, action. t'es pas forcément présent, quoi. Non, du tout. Ouais, d'accord, ouais. On pensait que t'étais en embuscade Non, auprès de la désolé, roulotte. tu aurais pu, hein, j'avais laissé la Ouais. porte ouverte aussi. Ok. J'ai mal compris. Après, enfin, disons qu'après, pour mettre du piment, on peut mettre du piment. Après, je peux en effet dire que je suis présente. Toi, tu vas ressentir encore une fois une autre, Ouais, parce que d'autres j'avais une émotions, proposition Thomas. à te faire en fait, si jamais si ça Bah vas-y, t'intéresse. dis-moi. Si est-ce que justement pour le compte, on va dire, de ta mère, tu n'étais pas en train d'espionner ses actions? Parce que le but en fait avéré de la matriarche, évidemment, c'est d'éviter que le sang ne soit ne on va dire Ne soit ne mélangé. s'étende, voilà, ne soit mélangé et donc du coup que en fait elle veut tout simplement éviter. Elle sait très bien qu'elle utilise que donc son fils utilise une technique de guerre, donc de faire des bâtards pour essayer d'infiltrer, comment dire, les camps. Les deux camps dans la guerre, et là, elle ne peut plus supporter, comment dire, pour la pureté du sang qu'elle défend à l'intérieur de la famille, et elle t'envoie justement pour que, d'une certaine manière, tu as pour mission, en fait, d'identifier et d'éliminer les gens qui l'utilisent de cette manière. Bah écoute, pourquoi pas, ouais, très bien. Si ça te convient. Moi, c'était Oui, l'idée, en tout cas, ça que ne me j'avais. dérange pas. Voilà. Et donc, purement et simplement, tu as pour mission de tuer ma mère. Puisque quand tu l'auras reconnue comme étant son contact principal et son amante en plus, puisque maintenant tu vas comprendre que c'était son amante. Quand tu vas le voir, évidemment, tu vas Bah comprendre si, que. du coup, j'ai très bien pu aussi entendre la phrase que Thomas a dit, et de surcroît, que j'ai l'impression que ça me fasse penser à une action, donc la action avec le cerf dans la forêt. Mais au vu de ma mémoire, au vu de justement du fait qu'on perde nos souvenirs qui sont antérieurs à 3 années, je sais qu'il y a quelque chose qui est lié à ce qui vient d'être révélé, mais j'arriverai pas à le raccorder à quoi que ce soit. Mais je sais que j'ai une info importante qu'il faudra qu'ultérieurement je me concentre dessus pour essayer Ah de bah, comprendre. lors de la scène finale, peut-être que justement les souvenirs Ouais. reviendront et Eh que bien, tout se comprendra en fait, tout se. Et donc, bah là, c'est à voir si Thomas est particulièrement agressif ou essaie de. Alors voilà comment je réagis moi. En fait, tout ce que je vais dire, enfin, sauf si t'es pas d'accord, Scarlett. Oui. Ce que je veux dire, ton perso va l'entendre en fait à travers les liens du sang, parce qu'en fait, comme t'es en, ah non, t'étais pas en embuscade, mais bon, c'est pas que tu sois en embuscade ou pas, tu l'entends en fait, parce que là, je suis, Bah si, je suis en embuscade, du coup, ah, on a ok, juste très le bien, ouais, nom. bah, du coup, t'es assez proche par l'intermédiaire de l'égrégore des liens du sang, tu vas entendre ce que je vais dire. Et donc là, en fait, je relâche ma pression sur ta mère, Anima, et en fait, comment? Je m'effondre, je m'assois au sol et je suis vraiment effondré. Et Va-t'en. Pars d'ici, va-t'en. je me souviens, tu es ma fille. Tu es celle que j'ai perdue il y a si longtemps. Ça y est, ça me revient. Les liens du sang me parlent. Le sang me raconte ce qui s'est passé. Et toi, tu es sa mère. Ah, quelle horreur si jamais j'avais imaginé vous retrouver dans une telle situation. Tu dis n'importe quoi, va-t'en. Ça, c'est ma mère qui dit cela. Je lui fais, mais si, on s'est aimé il y a longtemps. N'y a pas d'amour, il n'y a jamais eu d'amour, va-t'en. Je te promets que j'ai fait mon possible pour que ça se passe bien. J'ai essayé de lutter contre ma famille, mais j'ai pas été de taille. Tu n'as amené que la guerre, tu nous as créés tous. Va-t'en. Reconnais au moins que tu te rappelles de moi. Que tu n'as Je pas ne que me des mauvais souviens de souvenirs rien. de moi. Et toi, Rien. Nima, tu te rappelles de moi au moins. C'est moi qui t'ai donné ton prénom. Je Nima, reste raconte-moi. mon autre personnage reste bouche bée. Tu m'as aperçu puisque j'étais en train de regarder la scène, mais. Comment? Mais si je vous fais boire mon sang, par les liens du sang, vous allez comprendre, vous allez vous rappeler, vous rappellerez tout. Laissez-moi vous Tu montrer. délires complètement, va-t'en d'ici. Et là, en fait, dans la fureur d'être rejeté, tu vois, à nouveau, quoi, et en fait, peut-être que c'était ma dernière chance d'arrêter la guerre, quoi. Ça se trouve, si je m'étais réconcilié avec vous, j'aurais peut-être laissé tomber cette folie. En fait, dans un coup de folie particulièrement énorme, en fait, avec le couteau que j'ai, je me tranche l'œil. Et du coup, ça pisse Je le hurle. sang. C'est Ah, là, Nima ultra qui hurle impressionnant, devant. quoi. Il y a un flot de sang qui s'écoule par terre et tout. Et je lui dis, de toute façon, quand vous voudrez sortir de cette roulotte, il y aura cette barrière de sang que vous devrez franchir. Alors vous saurez à quoi de. Et moi, Tu es complètement puisque fou. c'est comme ça, je vais Tu nous tueras continuer. Ça tous. n'aura pas de fin jusqu'à ce que frères et sœurs soient tous morts de la main de l'autre. Moi, je commence à partir de mon côté. Et donc moi, je sors de la roulotte à reculons, quoi, en vous maudissant. Ouais. Et ma mère, elle, s'effondre à genoux en pleurant. Et Nima, elle reste pendant un long moment toujours complètement pétrifiée par ce qui vient de se passer. Elle semble comprendre les choses intuitivement, instinctivement, mais elle n'a plus aucun souvenir de rien. C'est. Ok. Alors, ce que je te propose, Nima, c'est qu'on clôture ton instance sans conflit. Juste, tu rajoutes une nouvelle phrase et après on fera. Il nous restera un 10 minutes, un quart d'heure. On fera un conflit de masse. Donc pour l'instant, on part sur l'optique où ma mère n'est pas morte. Puisque même... en fait, Scarlett, Ah ne, bah. Virgile a refusé, comment dire, de la tuer. Ouais, je l'ai pas tué. Virgile l'a pas tué et moi, le capitaine, je l'ai pas tué non plus, quoi. Moi, j'étais troublée de ce que je pouvais entendre, donc au final, C'est j'ai peut-être pas toi fait qui l'as l'inverse. tué, hein, Nima. Je ne Faut m'en qu'on se souviens souvienne. pas. Je Ouais, ne veux pas ok. m'en souvenir. Ouais. Est-ce que... J'avais l'idée en tête, hein, mais je ne veux pas m'en souvenir. Ça roule. C'est peut-être vrai. Donc, du coup, est-ce que je peux voir une. Je lance un dé ou je peux proposer une phrase librement On propose là librement, je pense que D'accord. c'est peut-être pas la peine de bloquer avec un thème là à ce moment. Alors, qu'est-ce qui serait le plus. Parce que là, il y a plus pas mal de choses qui peuvent s'appliquer à la situation. Est-ce que ça, c'est autour justement? C'est le plus important pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Je veux être aimé de mes parents. Ah ouais, tu te fais des challenges de fou, toi. Comment? Ok, ça roule. Tu te fais Ouais. des super challenges. Très bien. Parce que là, j'ai été troublé. Je sais que je les ai retrouvés émotionnellement, en tout cas, pas au niveau de mes souvenirs. Donc, d'une certaine manière, je rêve d'une famille unie Ouais, avec alors mes parents. c'est vraiment super, Alex, ce que tu viens de proposer. Ça va me permettre d'enchaîner sur le conflit de masse, si tu veux bien. Ouais. Le conflit de masse, chacun de nos tours, moi d'abord, parce que c'est mon instance, on joue un conflit soit tout seul, c'est-à-dire que personne ne peut nous aider, soit en duel contre un autre joueur, qui va en fait clôturer notre arc narratif. On la joue à quelle période? Cette instance? C'est en fait à chaque conflit on peut changer de période. Donc moi ça se passe juste après que je me sois pris la flèche. En fait les soldats m'amènent à la fosse commune et je suis pas, je suis presque mort en fait. Je suis mourant, mon dernier souffle. Et c'est là que nous allons, d'une certaine manière, tous nous retrouver. Bah peut-être ouais. Mon dernier souffle en fait est en train de me quitter. Et donc là, bah toi, t'es enfermé, t'es enterré vivante à ce moment-là, Nima. Et il y a ma mère qui est là, qui est devenue à moitié folle. Peut-être Ouais. qu'elle dirige l'armée de la famille, ou peut-être pas, on ne sait pas trop. Bah, au moment en fait Je où veux toi pas tu as été décider. reconnu comme mort, c'est peut-être elle qui t'a remplacé justement. Ah bah non, parce qu'on est ma mère. On est dans le camp, on est dans l'autre camp. Ma Ah, mère, c'est pas elle est dans moi. l'autre camp. D'accord. Ouais, C'est ouais. bien de le préciser parce que Ah oui, tout à fait. Je pense je... qu'elle est. Voilà, c'est en fait, c'est contre elle, que quelque part, c'est contre ma mère que je me bats, quoi. D'accord. Donc la Virgile est dans son camp. Voilà. Ouais, tout à fait. On est d'accord. Voilà, pour resituer les choses. Mais c'est Ouais, vrai qu'à ouais. la limite, le fait qu'il y ait confusion entre les deux camps, c'était quand même intéressant. On Oui, tout savait à pas fait, ouais. dans quel camp. Enfin, à la limite, on savait plus dans quel camp on jouait au final. Ouais. Et en fait, bah, tu vois, je suis couvert de sang et tout. Il y a mon œil qui s'est remis à saigner, alors que ça fait un an que je l'ai perdu. Et en fait, je tends, tout en tremblant, je tends le main en fait vers ma mère. Et l'objectif de mon conflit, c'est d'obtenir son pardon. Au moins, si je dois mourir, que finalement, bah peut-être que si elle me pardonne, peut-être que la guerre cessera. Peut-être que je pourrais mettre fin à la folie que j'ai moi-même allumée. Donc vous pouvez intervenir en RP, mais c'est vrai que vous pourrez pas donner de dés, quoi. Moi, comme je ressens que tu vas d'une certaine manière me rejoindre dans la mort, je veux quand même que tu trouves la paix. C'est pas que je pardonnerai pas à ma grand-mère, c'est clair, c'est évident, mais je veux que tu trouves la paix et qu'en trouvant cette paix, d'une certaine manière, on finisse par se retrouver. Ouais. Donc moi je tends la main vers ma mère et je dis nous sommes liés voilà donc la phrase je mets la phrase lien empathique et en fait bon, intérieurement je ne veux plus ressentir les souffrances des liens du sang donc première phrase aussi Et bah, la dernière, c'était comment je murmure, j'ai mené nos familles à s'entre-déchirer pour tarir le sang. J'avais tort. Donc je jette mes 3 dés, 3 sur 3. Donc l'objectif, c'est obtenir le pardon de ma mère. Bon bah contre-objectif, c'est elle me pardonne pas, quoi. Et corollaire, peut-être que la guerre continuera en fait après ma mort. Ouais, tu auras échoué. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, donc j'ai un sacrifice, une souffrance, une puissance, donc je gagne avec un sacrifice. Et donc, en fait, la dernière chose que je vois avant de m'éteindre, c'est une larme qui perd la mer. Et donc, je barre un truc. Elle a un moment de lucidité, et s'aperçoit qu'en fait, elle s'est trompée dans... Peut-être. En tout cas, je crois, au moment de mourir, je crois que j'ai eu son pardon. Je veux dire, je veux pas en dire, je veux pas figer les choses plus loin, mais Mmh. T'en as la conviction, en tout cas, toi. pour moi, elle m'a pardonné, quoi. Et donc, je barre, je mènerai les familles à s'entre-déchirer pour tarir le sang. Et là, je vais pas dire que je rends mon dernier souffle parce que si vous voulez interagir avec moi, bon, je crève, ce serait dommage. Mais bon, grosso modo, de toute façon, à la fin du conflit de masse, je suis mort, quoi. Bah, d'une certaine manière, ce serait beau que tu sois enterré, en fait, que ton corps est Bah, jeté sur le mien. peut-être qu'à la limite, ouais, en fait, ouais, il rouvre la fosse pour m'enterrer. Et que c'est en fait, c'est à ce moment-là peut-être qu'à ce moment-là qu'on te déterre, quoi. Puisque moi, je ne suis pas encore tout à fait morte, et en fait, on va jeter ton corps sur le mien, et c'est là qu'à la limite, on va pouvoir jouer, nous, notre dernier conflit, quoi, d'une certaine manière. Et Alex, tu kiffes passer un scénar entier dans une enterré dans un enterré vivant dans une Et fosse commune? moi, je trouve que c'était ça, c'était du challenge. C'est vrai que là, quand je dirais ça à mes joueurs, tu sais, moi j'ai passé un scénar entier dans une tombe. Ah, c'était trop bien. Ils du vont coup croire c'est que je suis un grand malade, mais bon, c'est pas ouais du coup grave. c'est à toi Virgile. Au moins, il n'y a que à Milvaux qu'on peut faire ça. Ouais. Moi, de mon côté, au vu des diverses informations que j'ai pu acquérir par le passé, entre le fait de t'avoir tué, du coup, vu que j'ai fait une puissance, est-ce qu'on peut dire que ça a permis plus ou moins de mettre, non pas un terme, mais au moins une pause au niveau de la guerre ou pas, quand je t'ai tué? Bah peut-être que ouais effectivement ça entraîne une trêve, c'est-à-dire que tout le monde est à gare, les laissés là. Mais c'est très étrange, c'est-à-dire que les guerriers les guerrières, parce qu'il y a des hommes, des femmes et des enfants des deux camps, se sont quelque part arrêtés, ils se Ouais, regardent c'est hagards, ne sachant que dire, quoi. moi Ils je sont un dirais peu mélangés, une quoi. victoire à la Pyrrhus, hein. Il y a eu Je d'immenses pertes dans les deux camps. Il n'y a pas vraiment de victorieux vais dans l'histoire. descendre de C'est mon plutôt une arbre trêve, ouais, parce que qu'une je victoire. passais quand même. Moi de mon côté, j'ai quand même passé tout le scénario sur une branche. Hein. Moi, dans une tombe, c'est pas mieux. Du coup, je descendrai en bas. Je me défrais de ce qui peut me cacher le visage ou d'une quelconque armure légère que je peux porter. Et je m'adresserai à eux pour leur dire que la guerre est finie, qu'il faut qu'ils rendent les armes, qu'il n'y a jamais eu de sens ni vraiment de logique quant à une continuité ou à une pérennité quelconque de ce combat. Que la personne qui dirigeait tout ceci est morte désormais et que le peu que nous sommes, nous devons surtout prendre le temps de nous retrouver, de reconstruire ce que nous avons nous-mêmes détruit. Et pour arriver à les convaincre d'arrêter cette guerre, je vais utiliser ma phrase du « le fratricide était le prix à payer ». Donc tu joues un conflit dont l'objectif c'est d'arrêter la guerre. Définitivement, du coup? Définitivement, ouais. En Ok. leur faisant avec un A, avec en leur faisant réfléchir sur ce qui vient de se faire, pour éviter que ça recommence par la Et du suite. coup, si tu perds, ça veut dire peut-être que les combats reprennent finalement tout de suite, quoi. Oh, tout simplement, peut-être que j'ai coupé que la tête d'une hydre, peut-être la Ouais. principale, mais qu'il en reste d'autres Ouais, qui et que la vont mer va polluer relancer le combat, justement. les feux Peut-être, de la guerre. ouais. Ok. Bah écoute, c'est très bien. Donc tu mets la phrase, le fratricide était le prix à payer. Est-ce que tu mets d'autres phrases? Est-ce Est-ce que je peux utiliser le fait que j'ai tué ma phrase principale, que j'ai tué quelqu'un avec mes flèches empoisonnées et que ça c'était pour tenter de renverser le cours de la bataille? Et du coup, Ouais. que c'était justement, j'espère, à travers cet acte que je vais arriver justement à faire changer le cours de l'histoire, plus ou moins. Ouais, toujours dans l'idée que c'était un mal nécessaire finalement de m'avoir tué et que maintenant que je suis mort, effectivement, il n'y a peut-être plus de raison pour se battre, quoi. Ouais. Ok. Ça te va les deux phrases, ça te suffit? Ouais, ma cible est mon frère, tu pourrais la mettre, mais c'est. Tu peux la mettre. Bon, en fait, tu pourrais quasiment tout mettre, en fait, c'est surtout parce que je pense que je me sens souillé ou ma cible est mon frère, je Non, veux le dire, soulier, tu je peux les l'ai mettre, enlevé, mais. en fait, parce que je l'ai perdu en sacrifice tout à l'heure. Ah oui, autant pour moi, j'ai peut-être mal. Il me reste, j'essaie de calculer la trajectoire parfaite de ma flèche pour atteindre ma cible en omettant les liens du sang. Ça peut rejoindre le fait que c'était le fratricide à payer, mais Ouais. j'enverrai pas le raccord avec la situation que je cherche à produire. Pas de problème. Donc du coup, ça te fait deux phrases, deux dés. Deux, ouais, voilà. Très bien. Bah vas-y, je t'en prie. 1 et 8. Donc un sacrifice et une puissance. Non, une souffrance. Bon bah du coup, ça, tu gagnes, mais Voilà, en sacrifiant une sacrifice. souffrance, quoi. Je gagne, mais je dois faire un sacrifice. C'est un sacrifice dans le jeu ou un sacrifice de phrase? Bah, c'est à les deux en même temps, en fait. Voilà. Alors je vais Est-ce que tu enlever ne dois ma pas donner ta vie en même temps aussi pour que ce conflit s'arrête, après tout? Oh, t'es pas obligé jusque-là. Ça aurait été le cas si t'avais dû sacrifier toutes tes phrases, mais là t'en as juste une à sacrifier. Bon, après, c'est ton choix, mais je pense pas que ce soit obligé d'aller jusque-là. Au moins disparaître, si ce n'est. Pour ma part, en fait, de mon côté, donc je vais rayer ma première phrase parce qu'elle a plus Ouais. lieu d'être. Pour moi, la bataille a cessé. Ouais. Par contre, derrière, le sacrifice et le prix que nous avons payé, c'est que notre famille est déchirée. Ouais. Que du coup bah, j'ai tué mon frère, que ma mère du coup est rentrée en front contre lui et au vu des souvenirs qui ont pu me revenir, je comprends l'immensité de l'œuvre, ça m'effraie plus qu'autre chose et au final je reviens voir le peu qui reste de notre famille et je leur dis que je ne me sens pas capable de vivre dans un bonheur hypocrite. En essayant de Ouais. subvenir avec des vieux souvenirs qui n'ont plus lieu d'être et qui ne pourront jamais revenir à leur intensité d'avant. Donc du Alors, coup, je quand tu dis préfère le m'en peu aller. qui reste de ta famille, je suppose que tu parles de ta mère, en fait. De ma mère et puis potentiellement des cousins éloignés ou je sais pas quoi. Tu te rapproches peut-être de la fosse commune pour dire ça, quoi. Non. Non, Non. j'attends. Là, Ok. en fait, je fais une méga ellipse. J'attends qu'on soit tous réunis à un genre de repas de famille ou à tes Ouais. funérailles. Il y aura ça, ouais. Parce que pour moi, je trouverais ça plus logique que tu sois quand même enterré dans notre caveau familial plutôt que dans une simple fosse commune. T'es quand même le général de guerre, t'es pas non plus Ah ok un ouais. simple soldat. Ah donc tu vas Donc œuvrer pour que j'aie des vraies funérailles quoi. Ouais. ça, et puis repas de famille, du coup, je dirais ça solennellement, enfin, pas avec un toast ou quoi que ce soit, je me lèverai, je dirais ça, je dirais maintenant, je souhaite m'en aller et tenter d'oublier l'horreur de ce qui nous a poussés à nous entretuer. Et je Ok. partirai. Je reviendrai jamais sur cette terre. Très bien. Et je me date peut-être même, tu vois, pour partir en trip, je dirais même que je deviendrai mercenaire. Pour tenter d'utiliser, toujours utiliser mes capacités d'archer, mais pour tenter d'oublier, au vu d'autres gens que j'aurais pu tuer ta propre mort. Ok. Du coup, bah, c'est à toi, Nima. Ben moi, de toute façon, voilà, je veux mourir avec la satisfaction que j'ai quand même réussi à obtenir ce que je voulais, c'est-à-dire être aimé des gens de ma famille ou au moins de mon père, retrouver cet amour il me semble que j'ai perdu parce que il s'est laissé manipuler par sa mère. Donc, au moment en fait où on est enterré ensemble, où on est réunis, je souhaite par le conflit avoir gagné ton amour à nouveau. Alors, ouais, ce que je te propose, c'est un grand regret d'ailleurs de ma part parce que je ne l'ai pas écrit noir sur blanc dans les règles, Mais il y a un moment, il faut savoir annuler un conflit quand tout simplement il n'y a pas d'adversité. En fait, je pense que ouais, tu te rapproches bah, tant bien que mal de moi, tu vois, par-dessus les corps des autres, quoi. Et en fait, j'utilise le peu de force qui reste pour t'attirer et te prendre dans mes bras. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de conflit, en fait, on peut s'arrêter là-dessus. D'accord. Donc, on peut mourir tous les deux satisfaits, chacun dans son... Ouais, tout à fait, ouais. On n'est pas obligé. Sous les yeux donc ma grand-mère et toi ta mère, qui elle se retrouve impuissante parce que dans la mort en fait on finit par gagner d'une certaine manière. Bah, comme elle a dit, dans la mort, nous sommes tous frères. C'est elle qui l'a dit en plus. C'est quelque part. Eh bien, je vous remercie infiniment pour cette partie que j'ai vraiment trouvée intense et tout à fait représentative de ce qu'on peut faire avec Inforenza en mode carte rouge. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour d'autres parties Magneto, sans doute sur d'autres jeux d'ailleurs. Et donc je vous dis au revoir à tous les deux. Alors ne quittez pas tout de suite le Hangout parce que on va débriefer très rapidement hors direct. Donc là c'est la fin du direct. Au revoir à tous. Portez-vous bien. Merci.